Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Les Restos du Cœur, c'est deux chiffres à retenir. 73 000 bénévoles réguliers et à cela s'ajoutent 25 000 personnes qui apportent leur aide occasionnellement. Sans eux, rien ne serait possible. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à s'engager ? Reportage à Villeurbanne, Camille Morera, ISCPA Lyon. C'est dans un joyeux brouhaha que je pénètre dans le centre de distribution. Je décide de suivre le chemin de chaque nouveau bénéficiaire et de monter à l'étage au bureau des inscriptions. Là-haut, je rencontre Sandrine, une paire de lunettes sur un nez fin, une coupe au carré et les cheveux blancs. Derrière cette jolie femme à l'air stricte se trouve une grande générosité. Moi, quand j'étais à la retraite, j'ai cherché une association dans laquelle je pouvais me rendre utile. Et comme je connaissais Coluche, qui est de ma génération, ça, je suis allée au Resto du Cœur. Moi, je trouve qu'on accepte toutes les populations, quelles que soient leurs idées, leurs religions, leurs idées politiques, etc. Logique. Logique donc, et parmi les bénévoles du centre, nombreux sont ceux qui se trouvent dans ce cas-là. Alors quand je croise une jeune étudiante, Camille, avec ses longs cheveux bruns, en train de ranger du lait, je l'interroge sur les raisons de son engagement bénévole. C'est un peu particulier parce qu'en fait c'est dans le cadre de ma fac, il y avait une option que j'ai pu prendre où c'était justement à la place de faire des heures de cours, en fait on faisait du bénévolat. Au départ, une nécessité pour valider son diplôme, cette option est vite devenue un moment agréable pour Camille. Mon option là c'était que l'année dernière, mais là je suis revenue cette année parce que vraiment ça me plaisait beaucoup. Ce qui lui plaît avant tout, c'est d'être au contact des bénéficiaires et découvrir ce qu'elle appelle la réalité. Des humains avec une vie compliquée, mais très souvent, qui gardent quand même le sourire. Si comme elle, vous souhaitez rejoindre l'équipe des 80 bénévoles, toutes générations confondues, de Villeurbanne, vous serez accueillis par Sandrine avec une joie non dissimulée. Ce monde qui crie. On veut toucher la lune pour se mettre à l'abri. Ah, juste vous n'êtes même plus le de nos voisins. Les mots tous les je t'aime, ni les ciao pantins. On a perdu l'amour dans les grandes métropoles. Je sais plus qui l'a dit, Jacques, Jean-Pierre ou Paul. On va pas se laisser faire, non, c'est mal nous connaître. On a bien appris en pourquoi sans peut-être. Je te tiens, tu me tiens. Celui qui donne a raison. Je te tiens par la main. Ce soir on est à la maison. Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant, demain et maintenant, hier et maintenant, entends les battements, enfoiré maintenant. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, enfoiré maintenant. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, enfoiré maintenant. Aujourd'hui encore, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ne l'oublie pas. Et tant que ça dure, on restera là. On pense à elle, on pense à lui, on pense à toi. Non, c'est pas la même. Si tu t'en vas, tu sais, les gens qui s'aiment ne s'oublient pas. On tient le coup, on reste debout. Peut-être un peu fou, mais on sait pourquoi. Ici et maintenant. Hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant, demain et maintenant, hier et maintenant, entends les battements, enfoiré maintenant. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, enfoiré maintenant. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, enfoiré. Tu me tiens, celui qui donne a raison. Je te tiens par la main. Ce soir on est à la maison. Maintenant, les enfoirés sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5, ensemble. Ensemble. Pour financer le maximum de kits bébés. Quoi ? Soyez les bienvenus sur Radio Didier Resto. Découvre la technique. Didier découvre l'installation. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir avec tous mes camarades. Éric Jean-Jean, un mot. Je voulais, bonjour d'abord. Bonjour, oui. Je voulais juste dire qu'on a assisté à une scène incroyable tout à l'heure. Il y avait les plus grandes stars de la bande FM qui fou, étaient alignées derrière une table comme des gosses à regarder les leurs de gosses. Oui. C'était hyper beau. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils ont repris leur marmot parce que là, ça va être autre chose maintenant. Allez, hop. J'espère que tout le monde est rentré. Quoi. Fred Musa. Comment voilà. ça va ? Excusez-moi. Le ton, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais depuis que tu te bats avec Pascal Pro, ça fait plaisir. Il y a quelques petits dossiers. Et on sortira les dossiers tout à l'heure. Bien entendu. Avec moi, je dévoile tout, il n'y a aucun problème. Avec plaisir, on est ensemble pour deux heures. Didier Varro à mes côtés, toujours cette présence protectrice et tendre. Mais bien sûr, ça, c'est Didier Varro. Je n'ai pas de retour dans mon casque. Parce qu'il faut tourner le bouton. Je tourne le bouton, mais ça va venir, Didier, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça finit toujours par venir. Il faut brancher le casque. Il faut peut-être brancher le casque. J'avais Didier découvre. Débute à la radio. Oui, il est retour. Tout nouveau. Hein ? T'es tout nouveau à la radio, toi. Oui, oui, t'es tout nouveau. C'est ça, c'est mes débuts. On va passer donc deux heures ensemble. On va parler musique, bien évidemment. Que faire d'autre avec Éric Jean-Jean, Fred Musa et Didier Varro ? Bien sûr, musique et musique un peu de l'intime. Mais on aime bien. Maintenant, c'est notre deuxième année ensemble, les garçons dans Radio Resto, et on a une petite tradition, c'est qu'on aime écouter la plume de Didier Varro, parce que Didier Varro s'y est collé. Voilà. Il nous a écrit un très beau texte dont seul Didier Varro a le secret. Didier, et voilà, et là je m'entends maintenant. Toi. Je suis content. Et voilà. Ben justement, ça tombe bien, c'est à toi. Alors, nous revoilà donc pour cette deuxième année consécutive pour Radio Resto dans ce plan à 4, cette sacrée partie de jambes en l'air, microphonique ou radiophonique pour être plus précis, réunis pour faire le bien et pour donner un peu de notre temps pour une bonne cause. Mais au juste, cette tablée est-elle vraiment calibrée pour faire le bien lorsqu'on connaît précisément les protagonistes de ce plan à 4? Je pose la question, compte tenu que l'an dernier, le thème de notre émission portait sur le cœur, directement inspiré de Radio Resto du cœur, logique et affriolant comme un regard d'Éric Jean-Jean, et pour le coup, le thème fut relativement bien tenu à l'antenne grâce au coup de fouet de Princesse Leila. Cette année, après 12 mois intenses à s'échanger entre nous des cochonneries, que dis-je, des salasseries qui parfois pourraient affoler la patrouille du wokisme sur notre WhatsApp collectif sobrement intitulé Plan A4. Nous avons donc les premiers effets collatéraux de ce groupe essentiellement construit sur nos obsessions sexuelles et érotiques. Au lieu d'imaginer une émission sur la fin dans le monde ou sur les supposées capacités de Michel Barnier à gagner une partie de Uno, nous avons choisi, sans passer par le 49.3 ou une dissolution, de nous enterrer dans la gaudriole grivoise en misant sur le thème des chansons qui racontent notre première pelle. Oui. Notre première nuit d'amour, et pour tenter de relever le niveau, notre premier chagrin d'amour. C'est vrai. Mais qui sommes-nous en fait pour faire preuve d'altruisme ? That is a good question. Sachez-le, Fred Musa n'est pas aussi généreux qu'il voudrait le paraître. C'est vrai. Imaginez comme moi. Cette voix. Comme moi, vous l'aimez. Vous l'admirez, parfois même vous rêvez de lui en secret. Vous rêvez de sortir une tête mix de rap juste pour avoir le plaisir d'être un jour reçu par lui dans sa planète rap. Ah ouais. C'est hyper chic. Donc vous faites tout pour vous faire remarquer par lui et par son physique de bodyguard, ce qui est mon cas, je vous l'avoue. Et dans le cadre de cette émission de Radio Resto, pour la bonne cause, je fais donc tout pour que Fred m'admire, m'adule, me possède. Je fais donc le bon élève, car je sais qu'il adore ça. Je sors chaque nuit que Dieu fait dans les mêmes clubs libertins que lui. Ah, j'écoute Chai en boucle. C'est vrai. Je mets comme ça Franco un contrat sur la tête de Booba dès que le duc lui cherche des poux. Bam. Je mets des claquettes chaussettes comme Jules pour tenter de faire mieux que les streams du Marseillais. Qu'est-ce qui se passe ? Donc vous voyez, je mets littéralement ma vie en danger de dignité pour lui. Et surtout, j'écris le conducteur de cette émission. Eh oui. Waouh. Parce que j'écris le conducteur de cette émission, parce que je l'ai compris depuis que Radio Resto est Radio Resto, que le truc de Fred dans la vie, ce sont les conducteur. Ah, ça, c'est vraiment mon truc. Ouais. Un conducteur doit être d'une précision chirurgicale. Exemple, 18h39, pas 18h40, pour diffuser Jay-Z par Fred Musa. Et là, patatras. J'écris son nom de famille, Musa, M-U-S-A-T. Oh, drame. Alors toi, que c'est Musa sans le T. Mais qu'est-ce qui m'a pris tant d'efforts ruinés en quelques secondes pour faire le bon élève, pour le séduire? Car oui, Fred aime ce qui est bien fait à l'allemande. Ich bin dich Fred. Il m'a dit comme ça froidement, quand on écrit mon nom avec un T, rien ne se passe. Fini. Le néant. Que faire pour me rattraper et instruire ta légende, Musa Santé? Dire que tu as commencé en faisant une émission de dédicace à Radio Anguin? Avouer que pour trouver ta voix de radio, tu as cherché longtemps à imiter celle de Laurent Petit-Guillaume? Ouais, c'est vrai. Mon modèle. Rappeler que tu as fait de la figuration intelligente, ça va sans dire, dans Hélène et les garçons. Ça, on n'est pas obligé. Ouais, mais surtout dire aussi, et ça vous l'ignorez tous, que Fred Musa, M-U-S-A, possède un étrange rapport à son micro. Il l'a dit. Il s'est confié au très sérieux hebdomadaire Télérama. Tenez-vous bien. À la question, quel rapport entretenez-vous avec le micro? Fred Musa, M-U-S-A, répond. Attends, je l'accroche. C'est une drôle de question. J'ai un rapport très particulier avec le micro, très charnel. J'adore le toucher. Je passe mon temps à le resserrer. Oui, à Skyrock, nos micros ont deux vis. Comme ici. Je passe mon temps à les visser, les dévisser, les revisser. Une espèce de toc que je ne m'explique pas. Ah Fred, irrésistible Fred qui se confie à Télérama. Ouais, comment après de telles révélations pouvoir te décevoir en écrivant mal ton nom, toi Federico, ascendant Kabyle qui fit la légende de l'émission Toubib, puis de Tabata. Aujourd'hui, Fred, j'écris ton nom à la pointe de mon stylo avec toute la reconnaissance que nous te devons toutes et tous. Je fais mon lelouch, quoi, shabalabada, shabalabada. Quant à toi, Leïla, qui fut sollicitée pour amoindrir le taux de testostérone de cette émission altruiste, avons-nous eu la bonne inspiration de t'inclure à ce trio de mousquetaires malfaisants? Toi qui es comme moi, avec cette obsession pathologique du devoir à rendre, c'est cette pression qui t'excite. Tu l'as confié à la PQR. Les vacances pour toi, très peu pour Leïla Kaddour. Le travail, c'est la santé. Ça a changé. Or donc, nous sommes dimanche. Leïla travaille pour la bonne cause. Oui. Elle est à cet instant au top avec son point G. Altruiste, sans nul doute. Bonne camarade, mais jusqu'à un certain point, Leïla, fan de basket, ultra sportive, l'a avoué au quotidien. West France, elle déteste perdre. C'est Ça va loin, jugez plutôt. Surtout qu'il y a plein d'enfants à côté. Ouais. J'ai l'esprit de compétition, donc je joue toujours pour gagner. Aux cartes, c'est pareil. C'est vrai. Même face à un gamin, il ne faut pas compter sur moi pour lui laisser la victoire si je peux lui mettre une raclée. Absolument, je confirme. La vraie Leïla se révèle ainsi au grand jour, celle qui partage sa vie avec un rocker lover, ne se laissera jamais faire. Pas altruiste non plus quand elle a rencontré son amoureux. Grâce à moi, je lui dis, si vous faites un petit, vous me le mettez de côté. Elle a fait son petit, plutôt une petite, et elle l'a gardé rien que pour elle. Gloria, donc pour moi, ce ne sera donc jamais qu'une chanson de Patti Smith. Eh ouais, c'est pas mal. De Sheila. Oui. Leïla confesse aussi à West France qu'elle peut se satisfaire d'une vie quasi monacale jusqu'au jour où, je cite, « Mais quand je lâche, c'est spectaculaire. Je peux devenir une drag queen. » Sortir très tard pour faire la fête entre amis. Ah Leïla oui. En drague, ça doit être effectivement spectaculaire, légendaire. Leïla Doll, Aphrodite d'amour, objet du désert, objet du désir, pardon, de RuPaul en princesse du désert. Mm. Ne jamais pourtant oublier que Leïla a consacré son mémoire d'études en journalisme à, je cite, alors là, tenez-vous bien, la problématique des écrans monochromes dans le service public. Et ouais, c'est vrai, j'avais déjà du nez. C'est là que le mystère est là, c'est ici, et que l'on voit qu'elle ne joue pas dans la même cour que nous trois pauvres souillons de la radio populaire. Testostéronée. Oui, son parcours interroge. Qui es-tu, princesse Leïla? Petite fille du soleil et de Harky, qui même en talons aiguilles s'invente une paire de Rangers pour s'armer devant le machisme constitutif de nos métiers. Sous ce cœur de princesse se cache un tempérament de guerrière et de dominatrice. C'est pour ça que nous t'avons choisi et que nous t'aimons pour mettre de l'ordre à nos cheveux. Absolument. Et en matière d'ordre à ses cheveux, celui que j'aime câliner et ébouriffer, c'est bien notre Éric Jean-Jean. Je dis notre, mais j'avoue, je n'aime pas trop le partager, parce que lui, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Lui, je ne l'aime pas aussi secrètement que Fred Musa, M-U-S-A, santé. Santé. Éric Je l'aime à ciel ouvert, déjà et surtout éperdument, pour rendre jaloux son meilleur ami Benabar, qui aime bien me détester. Je l'aime aussi pour son regard, qui l'a tant complexé, qui pourrait rendre érectile n'importe quel hétérosexuel validé par la brigade de Marion Maréchal. Mon Éric Jean au carré, qui confesse sans tabou que c'est Jérôme, le chanteur de Kiss Me, petite fille 73, et tu danses avec lui, que donc c'est cette rencontre avec c'est Jérôme qui a été déterminante pour lui, puisqu'il lui a appris que, je cite, « l'important c'est de continuer à vivre de son métier, quel que soit le moment, que l'on soit en haut ou en bas de l'affiche ». Oui Eric, nous avons tous donc quelque chose de c'est Jérôme en nous, comme nous avons tous quelque chose d'Éric Jean-Jean en nous, toi l'homme à la moto, lui qui a dédié sa vie et même son intégrité physique à cette moto, toi l'homme à la voix médium basse, qui affolerait la libido de n'importe quel eunuque, toi l'homme qui aime se confier à KTOTV, c'est vrai, pour parler des femmes qui meurent très tôt autour de toi. Éric Apôtre de la pesée des âmes, qui aime l'idée de recommencer ce que l'on a mal fait. Éric qui, le saviez-vous, est persuadé d'être protégé. Il est comme moi, Éric. Il a ses propres anges gardiens, mais lui, ses anges, il les a tatoués sur son corps d'athlète en hébreu, en sanskrit, à côté de sa boussole de vie. Éric, il parle aussi à la Sainte Vierge. Et moi, Éric, au cas où tu l'aurais oublié, je suis vierge, sans vierge. Et si je ne m'abuse, tu ne m'as jamais rien demandé. Donc n'hésite pas à venir me parler, à te confier, mon petit chat. Pour toi, je ferai tous les miracles du monde. Pour toi, je suis là comme Fred Musa, M-U-S-A, santé. Comme Leïla, comme Laurent Petit-Guillaume. Et savez-vous quel est le mot préféré de Eric pour terminer ? Non. Harmonie. L'harmonie, comme en musique, comme dans la vie, comme dans cette émission, nous sommes là pour collecter des fonds dans l'harmonie, justement, pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui ont besoin de repas adaptés, de produits de première nécessité et d'un soutien à leur famille, malheureusement, de plus en plus nombreuses. Pour cela, il faut de l'harmonie entre nous et du désir, non pas d'avenir, mais d'harmonie sensuelle, organique, la même qui relie Fred à son micro. Et pour cela, j'ai décidé de vous dédier cette petite chanson qui, de toute éternité, résume bien notre plan A4 pour Radio Resto et pour notre groupe WhatsApp. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, wow. Ah merci, là. Merci. Attends, on écoute un peu. C'est bon pour le cœur. Tu connais ce morceau, Fred ? Non, c'est très sympathique. Sur le canapé. Ah. C'est qui, Didier ? Anne Sorel. Oh, Anne Sorel. La femme d'un titre. Mais c'est culte, hein. C'est quelque chose qui... Quelle année ? Circule beaucoup fin des années 60. Merci Didier pour cette déclaration d'amour. Didier quand même. Attends, il est incroyable Didier. Ich liebe dich. C'est R. Musa. Tu vois. Ich liebe dich, regarde. J'entourne mon micro. J'entourne les vis de mon micro. Voilà, le club des quatre est réuni. Ouais. On est ravis d'être avec vous. On a parlé. Oui, Fred. Si jamais, juste, je mets une option. Si jamais l'an prochain, il y a encore, on se retrouve tous les trois. Il faudra qu'on lui tire le portrait quand même. Ouais. Alors, moi, vous écoutez. C'est vrai que je suis un peu feignasse. La prochaine fois, j'aurais dû le faire. J'y ai pensé en plus. J'aurais dû. La prochaine fois, parce qu'à chaque fois, quand même, il nous régale. Oui, il est trop beau. La prochaine fois, on s'y colle tous. C'est touchant. On se fait un petit cadavre exquis. Moi, je commence au début. Je fais 2-3 lignes au début. Je vous laisse la suite comme le conducteur. Donc, on place cette émission sous le signe de l'amour, de toute façon, de l'harmonie, de ce qui nous réunit. On a fait tout à l'heure, tu as évoqué, Didier, un petit point aussi collecte. Je fais un point quand même pour Radio Resto. On en est à 473 000 euros collectés. C'est beau. Donc là, allez, il faut tout donner, les garçons, absolument. On va jouer ensemble. On a un jeu, on va vous appeler tout à l'heure. Question pour un gros don. Pour ça, il faut appeler au standard. Je vous donne le numéro, le 01 850 90 600. Appelez massivement. Je sais que c'est question pour un gros don, les gars. Et on peut gagner gros. J'aime beaucoup la prononciation quand tu fais, il y a un truc d'exotique. Question pour un gros don. Voilà, pour un gros don. Si vous donnez 3 bonnes réponses, un gros don vous est offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Amené à la maison par Didier Varro. C'est important parce que ça amène des sous et nous, on a besoin de sous. On vous l'a expliqué à l'instant. On a parlé des Restos du Cœur, de cette campagne. Les Restos du Cœur, ils ont accueilli juste l'an passé 126 000 bébés de 0 à 3 ans enfants qui sont dans une précarité alimentaire. Et ça, c'est important de le souligner. Il y a un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. Il faut de l'argent, il faut aider. Et nous, on va financer, vous aider à donner de l'argent pour ces kits bébés, des kits qui permettent de fournir des couches, du lait, des petits pots, tout ce qu'il faut pour des enfants de 0 à 3 ans. On va en parler tout au long de cette émission, placée sous le signe de l'amour. Didier a donné le thème, on s'est réunis, on s'est dit, allez, comment on fait pour vous donner du bonheur, du sourire, de la joie, et vous aider à vous replonger, vous aussi, dans vos souvenirs de jeunes amoureux. On s'est dit, allez, on y va, les musiques qui ont ponctué nos vies sentimentales. Qui commence ? Alors, je vais commencer. Ah, c'est toi. Parce que je me suis mouillée, je me suis dit, tant qu'à faire, on dévoile de l'intime. Le conducteur. Le conducteur. Mais est-ce qu'on est à l'heure déjà ? Est-ce qu'on est à l'heure ? Oh, bah, je pense qu'on l'a exposé, le conducteur. Tu te douches bien. Bah, je revisse. Le conducteur dit qu'on s'intéresse à la première pelle. Ah. Ouais. Donc, le premier baiser échangé. Oui. Tout le monde s'en souvient ici. Oui. Oui. C'est vrai qu'on s'en souvient généralement la première fois. La première fois, on s'en souvient. Moi, j'ai un doute quand même, mais bon. Il est déconsenti, ce baiser, on est d'accord. Attends, mais merci, je vous remercie quand même. Moi, attends, Leïla, je t'en remets, bien sûr. Mais voilà, même qu'il y a eu une redemande après. La première pelle, donc, avec la langue. Hein. C'est pas ça, le premier c'est ça. Baiser, parce que ça, c'est encore autre chose. Oui, sinon, c'est la boum, c'est Big Bisou. Oui, c'est voilà. Ça. Alors, moi, je commence à donner de ma personne, ma première pelle. C'était sur une chanson de Sheryl Crow. Ouais. All I Wanna Do. Et c'était hier. Pardon, je suis un peu plus jeune. J'ai l'impression, oui. Moi, j'ai pas donné ma première pelle comme ça. J'ai envie de vous dire. Alors, voilà. C'était où ? Je suis un être rare. Non, mais c'était où ? Alors, comment il raconte-nous, alors, quelle heure était-il ? Je peux pas donner les détails. Non, mais c'est quoi ? C'est genre l'été ? C'était l'été, absolument. Donc, Leïla en vacances ? Leïla, pas en vacances, non. En train de bosser déjà au 13h ? Leïla. En train de préparer le 13h de France 2. Bonjour, monsieur. Il y a un mec de la housse qui arrive dans le bureau. J'ai 5 minutes. Monsieur, on va se galocher. Merci. Après, j'irai dans les infos. J'étais pas en vacances, j'étais à l'école. À l'école. Enfin, à l'école, j'étais en cours, quoi. Enfin, oui. J'étais dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire, on va dire ça. À l'interclasse. C'était à l'interclasse, comme on disait à l'époque. Okay. Voilà. Et c'était un plan mûrement réfléchi. Absolument. Il y avait des petits mots échangés. Avec un garçon. Ah, pas des petits mots échangés, genre est-ce que tu veux sortir avec moi ? Oui, non, est-ce qu'on coche ? C'était mais ce qui est une copine, c'est qu'elle arrange le coup, le truc. Genre lui, il aimerait bien te. Tu t'envoies en éclaireur quelqu'un pour sonder l'intérêt. Il faut qu'il y ait intérêt réciproque. Intérêt réciproque confirmé et première. Avec quel Stéphane, genre, voilà. Quel brun, genre de garçon ? Brun comme toujours. Ouais. Grand. Et ouais. Mince. Alors, il le connaît. Non. Il le connaît. Il le connaît, Didier. Attends, il le connaît. Il le connaît. Non, pas mince, athlétique. Non. Voilà. Athlétique. Ouais. Vous saurez tout. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'y réfléchir. Oui, cette bien. Vision de ce Stéphane qui apparaît. Absolument. Avec Sheryl Crow. Mais t'avais quel âge ? J'avais 15 ans. D'accord. Oui, c'était, je t'ai dit, au 13h. Ah, c'était récent. Allez, c'était, oui, j'ai mis du temps. Pardon, je suis lente. Je me décide doucement. Je suis comme ça. Je suis désolée. Vous allez m'étonner, Chant. Je crois que vous allez faire des pelles à 10 ans ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quasi. Ah, ouais, c'est vrai ? C'est oh là là, écoutez. C'est moi, plus trop, mais. Non, c'est... je suis pas à la hauteur. Je suis vraiment désolée. Plus jeune, je crois. Je vous propose d'écouter Sheryl Crow. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. C'est vrai, c'est tard. Ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. C'était Sheryl Crow à la Wanadou sur Radio Resto. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. On est ensemble jusqu'à 19h avec Eric Jean-Jean, Didier Varro, Fred Musa. Oui, écoute, voilà, moi je suis un être rare, je me donne doucement. Juste, Fred. Non, juste par rapport et revenir à ce morceau, parce que c'est vrai qu'on raconte donc nos premières histoires. Ouais. Mais, donc, pour revenir, Leïla. Oui, sur ce garçon Stéphane. Faire... Oui. Stéphane. Stéphane. À quel moment vous balancez le morceau de Sheryl Crow? Mais pourquoi ce morceau te revient en tête? Parce qu'il a associé à ce moment particulier, parce que c'était au foyer où il y avait de la musique, où on pouvait passer. Tu vois, voilà. De plus en plus. Voilà. Je vais réussir à savoir où c'était. Parce voilà, que là, il va enquêter jusqu'au bout. L'intercours, quand même, pour le savoir. Machin, j'ai du mal à y croire. Ouais, mais nous, on est réunis là pour récolter de l'argent, bien entendu, et on accueille Shannon. Shannon Alm, salut Shannon. Shannon. On compte sur toi pour lancer les appels aux dons. À toi de jouer, Shannon. Alors, si vous voulez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site radio.christo. du cœur.org sans W ou alors sur l'appli Radio Resto. Alors on compte sur vous parce qu'il y aura un don de 100 euros. C'est un bébé accompagné pendant 3 mois et c'est pas rien, on pêche. Et je voulais aussi vous demander d'appeler au standard. Arnold vous attend avec une très grande impatience. C'est au 01 850 90 600. Allez, je répète à vos stylos, c'est au 01 850 90 600. Et sachez que les dons en fait vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt, c'est important. Un don de 100 euros en réalité c'est 25 euros après réduction fiscale, un don de 250 c'est 62 euros après déduction fiscale. Bref, et si vous voulez accompagner un bébé pendant une année, 500 euros de don c'est 125 euros après déduction fiscale. Donc en effet, comme Shannon l'a très bien dit, il y a un numéro, le 01 850 90 600, sur le site radio.restoducœur.org, l'appli Radio Resto, sur Radio Player également. Shannon, tu reviens régulièrement dans cette émission pour lancer ces appels aux dons. Et puis n'oubliez pas de contacter aussi le 01 850 90 600 pour questions, pour un gros don, parce que ça c'est important. On lancera le jeu tout à l'heure dans une petite heure, disons. Oui. Ça, alors massez-vous au standard, parce que si vous avez trois questions et si vous ne répondez pas aux trois questions, on passe à l'auditeur suivant. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas parce qu'on prend quelqu'un en ligne qu'il ne faut pas continuer à appeler. On a besoin de votre soutien, absolument. Et on attend justement maintenant Fred Musa, parce que je vais le passer à la question lui aussi. Ah. Parce que la première pelle, moi, c'est fait. Fred Musa, c'est quoi toi? Moi, c'est le morceau que je vais choisir. Ouais. C'est le morceau de Daniel Balavoine. Ah, et je sais, et alors Didier a une histoire particulière aussi avec Daniel Balavoine. Il écrit deux bouquins, tu m'as dit, Didier. C'est ça. Autour de Daniel Balavoine. Réalisé un documentaire aussi. Et un documentaire. Et je le savais pas. Tu vois, je choisis ce morceau. Ouais. Bim, encore un point commun avec. Ouais, c'est incroyable. J'en visse mon micro. Et tu sais, il faut. Alors, c'était quoi cette prêle? Est-ce que vous avez un truc tous les deux? Il y a un truc qui se passe, c'est pour ça qu'on est là. Une table nous sépare pour l'instant. Moi, j'ai pensé être proche de Didier Varro, mais je sens qu'il s'éloigne. Oui, mais la prochaine fois, la jalousie montée en moi. Moi, je suis ravie d'assister comme ça à la naissance de quelque chose. Je sais pas si c'est un couple, mais moi, c'est. Petit à petit, tu vois, chaque saison, il se passe quelque chose. Oui, il y a un rapprochement. Ah là, je veux raconter ma première paix. Avec Didier, je vivrai ma dernière dans un an. Alors, Daniel Varro. Revenons. C'est mes années où j'habitais à la Courneuve à l'époque. Mmh. Avenue Henri Barbus. Quel âge? À cet âge-là, j'ai du mal à situer. Jeune, j'étais assez précoce. 5 ans, 6 ans? Non. Non, le moment où pèle, c'est avec la longue. Tu vois, t'as un moment où t'as un peu plus de confiance. Ça demande une certaine technique. Oui, ça demande une certaine technique. Tu t'entraînes un petit peu avant, enfin, tout le monde est passé par. Mais le goulot d'une bouteille, t'as jamais fait? C'est pas possible! La petite cuillère. Le goulot. Non. Si, le goulot. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais alors, tu t'entraînes là-dessus. Mais pardon, j'ai loupé plein de trucs. Oui, alors quel âge? Attends, quel âge? Non, mais disons 13. Non, disons 13-14. Non, c'est beaucoup plus tôt en réalité. Je sais plus. Tu sais, il y a des moments, je ne sais plus. Non, je sais que c'était. Et que le son, évidemment, la bande-son de ce baiser, c'était Daniel Balavoine. Alors pourquoi Daniel Balavoine? Puisqu'il y avait aussi dans la résidence où j'étais à la Courneuve, un garçon qui ressemblait, qui était fou de Daniel Balavoine. Et c'est lui qui m'a présenté. C'est peut-être. Quoi, en fait maintenant que tu le dis, est-ce que c'était pas lui? En fait, ils se reconnaissent, c'est tout. Je dois le connaître, en fait. Est-ce que c'était pas lui? Non, mais le mec s'habillait comme Daniel Balavoine. Il avait un blouson de cuir, les cheveux longs. Tout, les cheveux en arrière, comme ça, les trucs, les grosses joues, les machins, la totale. Et c'est lui qui m'a présenté, surtout, cette jeune fille. Ah. Comment elle s'appelait? Nora. C'est beau. Voilà. Je me souviens, c'était donc dans une cage d'escalier. Donc un peu moins romantique qu'au foyer. Mais sympathique aussi, entre le troisième et le quatrième étage. Bam, je sais pas. Je la raccompagnais chez elle, tu vois, parce que je suis quand même très galant. Je la ramenais chez elle, elle habitait au quatrième étage. Et entre le troisième et le quatrième, je me suis lancé. Clac. Audace. J'ai pensé en plus dans ma tête, puisqu'on venait d'écouter, puisqu'on écoutait, on se réunissait pour écouter du Daniel Balavoine. Ah ouais. Avec le sosie. Ah ouais. On écoutait juste avant. Aimer est plus fort que d'être aimé. Waouh. Bah, oui. Mais moi, je suis un romantique. À quoi, Nora, elle ressemblait à quoi, non? Magnifique, brune, les cheveux longs, la barbe. Et tu l'as revue? La barbe. Tu l'as... Très barbue, très très barbue en effet. Mais c'est, mais j'étais avec vous en fait. Maintenant, ça me revient. Ça me revient. C'était Didier. Quand on voit, c'était moi. Ils sont foutus de ta gueule. Attends, ils se foutent de moi, ces deux salopards. Non, mais j'ai. Tenir ton micro. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Nora, si elle nous écoute? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à Nora? Ben super. J'espère que la vie va bien. Attends, tu veux me faire avoir des ennuis? J'ai ma fiancée qui écoute en ce moment. Ah bah enfin ça va. C'est la première. Il y a pas. Ah, bah bien sûr, il y a prescription. J'espère. Je vais voir quand je vais rentrer à la maison s'il y a prescription ou pas. Elle va me dire si on va goûter entre le troisième et le quatrième étage. Va passer une bonne nuit là-bas. Je la connais, ma fiancée. Ah là là, bah non, mais écoute, en tout cas, c'est un super moment. Alors peut-être maintenant un petit mot parce que j'ai croisé Didier là, il y a quelques jours au concert de Mylène Farmer, un moment absolument irréel. Et on parlait de Daniel Balavoine. Oui. Et toi, c'est tu l'as bien connu sur les dernières années, malheureusement. Les trois dernières années de sa vie, oui. Ah, c'est on vrai a passé énormément de temps ensemble. Et c'était un être délicieux. Non, je lui demandais, parce que souvent on a des images parfois d'artistes comme ça, et c'est vrai que. Il ressemblait totalement à ces images et aux images d'archives qu'on peut voir, énervé, éruptif. En colère, révolté, ouais. Romantique, séducteur. Oui. C'est vraiment une histoire. La mort de Balavoine, c'est horrible. Une histoire. Mais horrible, mais surtout une suite de concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il ne devait pas monter dans cet hélicoptère, il devait prendre un avion, puis on lui laisse la place, et l'avion s'arrête, enfin l'hélicoptère s'arrête, puis redécolle. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était pendant le Paris-Dakar à l'époque. Mais qui faisait pas. Il l'a fait il une première pas, fois. Voilà, en concurrent. Fois, il se plante et ça ne marche pas. Donc il finit le Dakar comme ça en parallèle. Et puis après, il le refait. Mais ça, c'était pour l'association. Implanter des pompes à eau dans le désert. Dans le désert, ouais, pour les villages, dans certains villages. Pour faire du bien, absolument. C'était dans le cadre de Action École. Ouais. Et il y a eu tout un tas de rumeurs, par contre. C'est vrai qu'il y a aussi les gens. Oui, mais il a été tué parce qu'il dérangeait le pouvoir et tout. Comme à chaque fois, comme pour la mort de Coluche, comme pour tout ça. C'est une connerie, malheureusement. C'est l'hélicoptère, les mecs décollent, ils auraient pas dû décoller. Voilà. Une tempête de sable imprévisible. À 20 km de l'arrivée, Thierry Sabine descend d'hélico pour demander qu'on vienne le chercher en voiture parce qu'il fallait. Le pilote devait pas voler de nuit et à un moment il redécolle. J'avais lu un truc là-dessus qui disait que peut-être la raison pour laquelle ils avaient décollé alors que tout le monde savait qu'il fallait pas le faire, c'est qu'au moment où le soleil se couche dans le désert, c'est là où les bêtes sortent. Oui. Possiblement, il y a un scorpion, un serpent qui aurait pu piquer quelqu'un qui fasse. Qu'il fallait vite aller au campement. Ouais, absolument, pour essayer de le soigner. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On saura jamais. On saura jamais. En plus, c'était quand même Sabine et Balavoine, deux hommes pressés. Ouais. Donc, quand ils avaient envie de faire quelque chose, il fallait y aller. Ouais. Aimer est plus fort que d'être aimé. Oui. Ça, chanson c'est magnifique. La musique choisie par Fred Musa pour illustrer sa première pelle. On l'écoute. Mais oui. J'adore ce morceau. Versé. Balavoine, la chanson choisie par Fred Musa, Aimer est plus fort que d'être aimé. Et moi, j'ai un souvenir particulier, c'est qu'il m'a fait écouter ce dernier album. C'est vrai. Voilà, devant lui, à la place où est Fred, même on était un peu plus proche. Et il était trop fier parce qu'il m'a fait écouter son album, non pas sur une cassette, mais sur un CD. Ah, c'est vrai, c'est un geek. Et du coup, voilà, pour lui, on entrait dans une ère révolutionnaire et c'était, il faut plus écouter la musique sur des vinyles ou des cassettes, il faut les écouter sur des CD. Il était ébloui de ça. Il y a cette histoire assez connue que racontait Monique Lemarcier à RTL, qui est l'alter ego de Didier, mais à l'époque à RTL, et qui dit qu'il est venu dans son bureau en lui disant, tu sais, j'aimerais que ce soit mon dernier album, ça voulait dire son dernier album, sans doute de variété, avant qu'il passe à autre chose, et ça a été en effet son dernier album, c'est assez triste. On continue ensemble de faire des appels aux dons pour Radio Resto avec ce numéro 01 850 90 600. Tous les dons sont importants, même les petits dons. On est là pour soutenir les 0-3 ans, ces petits, ces tout petits qui ont besoin de nous, qui ont besoin de financer tous ces kits bébés, des couches, du lait, des petits pots, des soins adaptés pour ces enfants. Il y a plus de 126 000 enfants qui sont dans une situation de précarité, ça c'est inadmissible. On est là ensemble et ça grimpe un petit peu du côté des dons. On est à quasiment à 475 000 euros collectés. Encore, on pousse encore un effort. Ça, c'est vrai que c'est une honte. Tu vois, il manque aussi des mecs comme Balavoine pour gueuler un peu parce que c'est inadmissible. Non, mais vraiment, c'est inadmissible aujourd'hui en 2024 d'entendre qu'il y a un enfant sur cinq qui vit sous le seuil ici en France. Sous le seuil de pauvreté, terrible. Petit don, n'importe quel don, ça compte. À partir de 100 euros par exemple, c'est pour vous donner une idée, vous pouvez donner moins bien entendu, mais 100 euros, c'est 25 euros pour vous après réduction fiscale, et pendant 3 mois, un bébé, les besoins d'un bébé sont entièrement couverts. Donc à vous, on en appelle à votre générosité. Comme, Eric, on voudrait présenter quelqu'un. Ah. Oui, oui, on est venu en garçon avec un copain qui est assez joli, mais c'est pas sa plus grande qualité. Ah, il est hyper talentueux. J'aimerais que Didier nous en parle un petit peu parce qu'il a débuté dans un groupe de rock. Il était venu avec nous il y a longtemps sur notre première émission. Je crois que c'était lors de notre première association. Ouais. Alors, Tu n'étais pas avec nous. C'était avant. Il a fait son chemin depuis. Et donc il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Radio Elvis. Déjà c'était super. J'adorais. Ensuite, il a fait un album solo. Après, il a décidé de partir et de faire sa vie, à la fois une vie romanesque et une vie d'écriture de chansons, qu'il a croisé à un moment. Et il a fait c'est un artiste formidable. Exceptionnel. Alors, tu dis, il est assez beau. Il est carrément très beau. Il est moins beau que Fred Musa. Oui, attends, calme-toi quand même, parce que là t'étais bien parti. Déjà, tu t'étais rectifié sur le Musa santé avec T. D'accord. Donc, ne gâche pas tout, s'il te plaît. Fred. Et revise ton micro. Il est assez beau. Il a du charisme. Voilà. Et... il est assez beau. Il vient de se piquer un phare, là. Ça va bien? Il est grand, il est brun, il a des lunettes, il a une jolie jolie guitare. Ouais, il a fait un roman formidable dans lequel il raconte ses années de galère en province où il cumulait deux boulots, un dans une morgue et l'autre dans un fast-food. Je recommande à tous de lire ce livre. Je crois que c'est Zéro Gloire. Zéro Gloire. Mmh, c'est vachement bien. Absolument. Et c'est quelqu'un qui sait écrire des chansons, qui écrit des très jolis textes. Pourquoi tu ris quand je te regarde, ma chérie? Je suis peut-être un peu émue. Voilà. Ah voilà, tu es émue. Et on est ravis de le revoir cet après-midi, ou cette fin d'après-midi, pour qu'il nous chante une petite chanson, une grande chanson. C'est laquelle, Pierre? Alors en fait, je me suis réveillé ce matin, j'avais plus de voix. Ah. Mais je tenais vraiment à venir chanter là, évidemment. Je me suis dit que j'allais prendre la chanson la plus calme de mon répertoire et que j'allais mettre l'ambiance comme ça. On n'a pas dit c'est Pierre Guénard, on n'a pas dit Pierre Guénard. Oui, bien sûr, bravo. Voilà, Pierre Guénard. Et c'est quoi la chanson la plus calme de ton répertoire alors ? Ça s'appelle La guitare de mon père. Ah, waouh ! Ouais. Ouais. Ouais. C'est une histoire très personnelle pour le coup. Absolument. Ouais. Tu connais bien le répertoire, Gervais. Je connais bien cet individu. Je crois qu'on s'est rencontré grâce à un certain Didier Varro, notamment. Hein, voilà. Et que la personne qui va prendre. Attends, expliquez-moi. La jolie petite fille qui est là-bas, c'est celle de Didier Varro ou c'est la tienne? Je pense que c'est la mienne et c'est la nôtre avec Pierre. On est venus en famille pour Radio Resto. Depuis quelques années, il y a eu premier baiser. C'était pas Cheryl Crow. De la première nuit d'amour, on va avoir les images. Bravo. En tout cas, c'est Pierre Guénard, c'est mon cher étendre. Sinon, Pierre, ça va. Chante vite parce qu'après. Et il vient de chanter Tu connaissais pas Stéphane. La guitare de mon père, ça, c'est ce que tu vas nous interpréter, Pierre. C'est parti, c'est magnifique. À toi. La guitare de mon père est tombée à mes pieds, mais je n'ai rien su faire, il ne m'a pas montré. Comme c'est dommage, j'aurais bien voulu, avançant dans l'âge, lui parler un peu plus. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Déposer la poussière couvre tout ce qu'il laisse, son visage dans la pierre, mais pas les mots qui blessent. Ses promesses débarquées, nos poissons laissés dans l'eau, tous nos poids sont lestés de poignards dans le dos. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. J'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Mon père, C'est beau, c'est magnifique sur cet album. Il y a des nouvelles chansons en travail en ce moment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il y en a une qui sort bien. Bah, va nous dire, Leïla, attends. C'est tout. Alors. Oui, mais je suis pas là pour faire de la promo pour Pierre, mais oui, il y a une chanson qui sort très bientôt, Pierre. Il y a un clip qui est fait, c'est ça, Pierre. Il y a une chanson qui sort la semaine prochaine. Je ne l'ai pas annoncée, je l'annonce demain normalement. Mais okay. Voilà, scoop bien, pour Radio bien. Resto. Je l'annonce demain qu'elle sort la semaine prochaine. C'est super. Et merci encore Pierre d'être venu chanter. Merci d'autant plus que nous, on n'a pas l'habitude de s'afficher, toi et moi, en public, jamais. Ouais. Et qu'on a juste trouvé qu'ici, c'était le bon endroit. Pour Radio Resto. Pour Radio Resto. À plus forte raison. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est là, hein, parce que c'est pour les bébés. Donc voilà, il y a un numéro de standard pour jouer avec nous, mais pour faire un don aussi, on peut. Attends, après l'exclu et le scoop qu'on vient d'avoir, si tu veux, de ça. On n'a pas un don. Les deux. Il est grand temps de donner un petit peu pour les restos, parce que ça, c'est un beau scoop. Ouais. Hein. Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Vous allez sur le site radio.restoducœur.org. Vous allez aussi sur l'application Radio Resto, sur Radio Player. Alors, vous pouvez continuer à donner. Là, si vous nous écoutez, vous pouvez même nous écouter en replay. Donc, jusqu'à fin novembre, vous pouvez continuer à donner. C'est pas parce qu'on s'arrête là ce soir pour ce marathon de 48 heures de Radio Resto que vous ne pouvez pas continuer à soutenir les Restos du Cœur. 50 000 euros, c'est 100 bébés accompagnés pendant un an. Les bébés accompagnés, c'est financement de kits bébés, couches, lait infantile, petits pots, alimentation, soins adaptés aux 0-3 ans. C'est formidable ce que fait toute l'équipe des Restos du Cœur. Donc, faut les aider. On est là. Ouais, et on fait un petit point sur le compteur. On est à combien? On est à. Allez, on n'a pas encore dépassé les 475 000. On y est presque. On s'est fixé un objectif à minima de 500 000 euros. Alors, on compte sur vous. On compte sur vous pour nous donner un petit coup de pouce. On sait que c'est pas simple en ce moment, que les temps sont durs. On en a conscience. On n'est pas. Cette réalité-là, elle nous frappe tous. Eh bien, là, c'est même un petit don pour agir. Un petit don, un petit coup de main. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de petit don, donc on a raison de le préciser. Voilà. Absolument. Donc, n'hésitez pas à donner. Et nous, on va essayer de continuer à vous donner pouvez. De la bonne humeur, de la joie, du sourire. J'aimerais juste savoir quand même où on en est sur le conducteur. Normalement, nous avions un conducteur assez notre réalisateur, Benjamin Lefebvre. Benjamin, elle est cuite. Il avait la passion du métier. Ouais, mais il va arrêter. Tu t'es dit, ouais, les conducteurs, les trucs. Mais avec nous, non, mais normalement, 17h50, on était censé faire quoi? Bon, 17h50, vraiment, ce qui est intitulé, c'est que normalement, on est déjà dans la nuit d'amour. C'est-à-dire notre thème numéro 2. Alors qu'on n'a pas fini toutes les pelles, il nous reste deux pelles. L'appel d'Éric et l'appel de Didier. Éric, c'est à toi. Éric, gardons c'est le toi. Meilleur pour la fin. Oui, on commence par ta pelle, Éric. Éric, c'est. Ta musique pelle. On monte crescendo. Alors, c'était quand ta pelle? C'était. Ta première pelle. La nuit de. Alors, ma première pelle. Là, je devais être en. 6e, 5e, 6e. Donc on a 11-12 ans. Et elle s'appelait. Non, mais attends. Sainte Leïla. Oh, 11-12 ans. Oh, vraiment. 6e. Bah, 6e quand même, c'est jeune. 6e, mais oui, mais. Et en plus, c'est marrant parce que tu parlais de catéo. J'allais au catéchisme. J'ai grandi dans un tout petit village. Il y avait une église, le catéchisme. À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Et on faisait des. Qui s'appelle ce village? Prignac-Marquant. Ah, oui. Parce que les gens se souviennent de. Est-ce qu'on a un témoignage que cette jeune fille n'hésite pas à témoigner? Appelez-nous au standard. Comment elle s'appelle? 01 850 90. Et elle habite toujours à Prignac sur machin. Non, je crois qu'elle. Je lui parle de temps en temps. J'ai gardé contact avec tout le monde. Ah bah, tu vois que moi, la question que je posais pour Nora n'était pas complètement hors sol. On peut être en contact avec sa première pelle. Depuis 20 ou 30 ans, mais les réseaux sociaux permettent ce genre de choses. C'est-à-dire, je l'ai retrouvée, elle est mariée. Enfin voilà. Mais qu'elle nous appelle au 01 850 90 600. Témoigne. Pour voir si l'histoire est la même. Enfin, donc, voilà, c'est intéressant. Il fait bon dehors. On est derrière l'église. Et il y a une boum, et donc il y a une boum. Donc c'est le soir. C'est l'après-midi. Non, c'est l'après-midi. Oui, fin d'abonné, pardon, excuse-moi. Oui, 11 ans. Oui, 11 ans. Oui, pardon, mais j'étais précoce sur les soirées. Donc on a commencé à flirter derrière l'église, puis après il y avait la boum, et à la boum, ils ont mis un slow qui était le slow de cette année-là. J'ai une double histoire avec lui d'ailleurs. Je vous raconterai parce que c'est aussi ma première tournée d'été, j'avais 18 ans. Hervé Villard avec nous. Non, c'est pas possible. Alors attends, Hervé Villard, c'est 1958. Mais t'es né en quelle année? Attends, 82. Mais 1958. C'est quelle année? Hervé Villard, c'est 1965, le premier tube. Oui, mais là, et le. Et après, c'est fini. Sauf que nous. C'est 65. Oui. Nous, c'est sur une musique. Moins la TVA, quoi, tu connais. Nous, c'est sur une musique de Tony. Il faudrait vérifier, mais c'est 80. 80, 79, 80, voilà, tu vois. C'est ça. 80. Oui, oui. Ah, c'est mon année de naissance. Le morceau nous sommes en train de tu baisses notre ton, toi, un couteau d'oignon. Mais il est en vie encore, Hervé Vida. Alors, j'ai déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps. Ah ouais. Il est derrière l'église aussi. J'ai une double histoire avec Nathalie. Donc, j'ai voulu ma première pelle à Nathalie. Nathalie, qu'on appelle à nous contacter. Qui est mariée avec Hervé Villard, mesdames et messieurs. Peu probable. Et donc Hervé et Hervé, à 18 ans, il y avait dans ma ville, je commençais mes études, et il y avait le quotidien Sud-Ouest, très connu, qui organisait des tournées d'été sur les plages, donc les plages de Gironde, et il y avait des artistes qui venaient. Et je suis embauché, tu te rends compte, je prenais une fortune, genre, je sais pas, 500 balles la soirée, mais incroyable. C'était énorme. Et je suis embauché pour présenter devant 15 ou 20 000 personnes sur la plage, à 18 ans, tournée d'été Sud-Ouest. 500 balles que tu allais claquer en drogue le soir même, non mais évidemment, quelle honte. En moto, j'ai acheté une moto avec ça. Et donc, il y avait la drogue, c'est la moto. Un pneu, quoi. Il a construit sa moto en kit. La moto à 500 balles. Après 10 ans, tournée d'été. Je suis au guidon. J'ai le sniper en face de moi, c'est un bâtard. Et donc, voilà, j'ai fait la tournée d'été avec Hervé Villard et en première partie, Éric Morena. Mais tu lui as raconté quand même cette histoire ou pas, oui, mais on est très copains, on se voit de temps en temps. J'ai déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps. Il est très sympa. J'en doute pas. Et puis en plus, maintenant, il est sans filtre. Donc quand tu. Comme oh, ça, bah, organisons un déjeuner. Faisons un déjeuner. Allons voir Hervé. Ouais, ouais. Donc c'était Hervé Villarnoux, mais on n'est pas obligé d'écouter la chanson. Non, on n'est pas obligé. Un petit morceau. Allez, on peut. Allez, si. On n'est pas obligé. T'as raison, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est un truc combien. Ah, c'est ça, nous. Tonton Coutonio. Tu vois, merci, Leïla. Heureusement que t'es là, t'es une sœur. Voilà, on a écouté. Merci. Mais il y a des trucs qui passent à la radio. Sauvez-moi. C'est une illusion qui meurt. Ok, on peut l'arrêter peut-être. Non. Et là vous avez une histoire de rien du tout. Comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti. Grandit comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi le silence? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi au temps, le printemps. Est-ce qu'on t'a fait plaisir, Éric Jean-Jean, là? C'était bien, avec un son. J'ai envoyé un message à Nathalie. C'est vrai? Non, je vais le faire, mais c'est une super. On a perdu Didier Varro, il est à fond, il se rappelle aussi des souvenirs. Pourquoi? C'est bon, merci. Moi, je pense que Hervé Villard vous a complètement motivé pour un don pour les Radios Resto. Je vais marteler ce message. Ils ont donné des sous pour qu'on arrête de passer la chanson. Et je dois te dire que j'ai reçu un appel en ce sens, Éric. En effet, au 01 850 90 600, ça c'est le standard. Venez, rejoignez-nous. On a un charmant jeune homme, Harold, qui se chargera de vous répondre. Pour faire un don, vous pouvez aller sur le site radio.restoducœur.org, sur l'appli Radio Resto, sur le Radio Player aussi. On a besoin de votre soutien, et puis votre soutien, vous le savez, vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu qui correspond à 75% de votre don, sur un plafond de 1000 euros. 25 euros de réduction, 250, 62 euros, 500 euros, 125 euros, c'est ce que ça vous coûte après réduction fiscale. Travail au ministère des Finances. C'est pas ouais, absolument. Il vient d'être embauché, il y a un petit changement de personnel. Et ça permet d'accompagner des bébés, des petits de 0 à 3 ans. On sait les besoins que ça représente, le lait, les couches, les petits pots, les soins aussi. Tout ça, Radio Resto accompagne beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et c'est la raison de notre présence aujourd'hui avec vous pour ce marathon radio pour agir. D'ailleurs, oui. On parlais tout à l'heure de Daniel Balavoine, et je ne sais pas si tu vas me le confirmer, Didier, mais il devait être le premier parrain des Restos du Cœur. Oui. C'était Coluche qui lui avait demandé ça. Ah, j'ignorais. Ils étaient très proches. Ouais, ouais. Deux hommes d'action, de grand cœur. Jean-Luc Aubert raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il le dit, c'est que c'est sans doute vrai. C'est qu'il était dans le salon de Coluche, et en train de regarder un truc à la télé avec Coluche. Et Coluche a l'idée, tu me dis quand je dois m'arrêter. Hein. Coluche a l'idée de faire un truc. Il dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, etc. Et c'est après qu'il va lancer sur Europe 1, une radio, encore une fois, cet appel pour les Restos du Cœur. Et comme Balavoine était le type du moment, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, je dis ça sous couvert de Didier. Bah, c'est pas que le type du moment, c'est le mec qui bousculait un peu tout le monde pour faire en sorte que les artistes s'impliquent un peu dans la vie de la cité. C'était ça aussi, Balavoine. Et ça, c'est important de le rappeler. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les a perdus tous les deux en 6 mois. Ouais, ça, c'est fou. Ça. Ouais. Moi, je me suis pleuré pour les deux. Hein. J'étais, vous l'avez compris, une âme très sensible, mais j'ai pleuré beaucoup pour les deux. Et Coluche est mort le jour de mon bac philo. Sous de moi, en plus. Donc, non, juin 86. Pardon. On allait aux épreuves du bac. En juin 86. Tu passais le bac. Oui, je sais, t'avais 6 ans. Merci beaucoup, Léla, de le rappeler. Non, mais moi non plus, j'ai pas passé le bac en juin 86. Hein. Je comprends mieux Hervé Villa. C'est dégueulasse. C'est pas bien ce que mais tu dis. Mais non, mais en fait, tu te teins les cheveux. Il y a mais si, t'essayes de te faire passer là pour un mec qui a 30 piges. Mais attends, je viens de découvrir un truc. Non, mais là, en fait, il vient de se griller avec ses conneries. Hervé Villa. Hervé Villa, 1958. Non, attends. Et le mec commence à nous dire. Oui, 28 juin 86. Je vous parlais de Platon et machin, puisque je passais. Mon bac philo. Je les adore. Ils sont exceptionnels. Attends. Ah, je viens de capter un truc. Je pensais que c'était 35. Le mec, il nous a tous embobinés, quoi. Moi, Didier, c'est du naturel. Ah, je vous jure, c'est pas possible. Je vous jure, madame, j'ai rien fait, madame. Je vous jure, j'ai rien fait. Non, il est complètement honnête. On va continuer ensemble cette émission Radio Resto. Il est bientôt l'heure, mais surtout l'heure de laisser la parole aux infos. C'est les élèves de l'Ingencia qui nous accueillent ici dans leur studio qui prennent la parole. On va écouter tout de suite. Top info, c'est parti, les 18h. Ah, il est là, regarde. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Une personne sur deux qui se rend au Resto du Cœur a moins de 25 ans. Au centre de Givors, de plus en plus de jeunes se rendent aux distributions. Mais comment les Restos du Cœur s'adaptent-ils au nouveau profil de ses bénéficiaires? Reportage de Cassandra Madurera, ISCP à Lyon. Ce matin, la file d'attente pour la distribution ne cesse d'augmenter. Amir le sait, il ne sera pas servi de suite. Bosnien de 23 ans, cela fait 2 semaines qu'il est accueilli au centre de Givors. Démuni, le jeune menuisier n'aurait jamais pensé en arriver là. J'ai resté sans ressources, j'ai cherché pour demander le Resto du Cœur pour les sommets acceptés gentiment. Dans un des plus gros centres de la région lyonnaise, une centaine de bénéficiaires sont comme Amir, jeunes migrants en recherche d'emploi, en insertion professionnelle ou encore étudiants, tous sont accueillis ici. Un chiffre 2 fois plus important qu'en 2022 et qui nécessite donc des mesures particulières pour s'adapter. René, co-responsable du centre, nous explique. Le Resto du Cœur du département sur Lyon a ouvert tout de suite un centre des restos spécial pour les jeunes, pour les étudiants. Il y a eu une distribution spécifique avec les universités, avec tout ce qui est au niveau étudiant. Un créneau horaire de distribution a donc spécialement été mis en place pour les étudiants afin de s'adapter à leurs emplois du temps. Une aide qui permet donc à tous de bénéficier des Restos du Cœur. A noter qu'en 2021, parmi les personnes âgées de 16 ans et plus, 45% étaient en recherche d'emploi. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Ils ont dit avec les plus grands animateurs de France. C'est vrai. Est-ce qu'on se sent vraiment à la hauteur de tout ça? 1m87. C'est bien, ça marche pour nous. N'oubliez pas les Radio plus Resto. Vieux animateurs les plus de France. Qui se teignent les cheveux. Ça va rester. Hervé Villard, je viens de capter. Je ne sais pas si t'as remarqué, il a été faire pipi, ça fait un truc de vieux. Prostate. Jamais j'aurais osé. Au bout d'une heure d'émission. Excusez-moi, où sont les toilettes? Est-ce qu'on va apporter une bassine pour la prochaine heure, s'il vous plaît? Tiens, Didier, tu gardes la parole parce qu'on a fait la tournée des pelles. Oui, et toi, t'as pas encore parlé. Oui, c'est l'appel. Alors, attention. L'appel de Didier. L'appel de Didier Varro. 1914. Dans les tranchées. Voilà. Alors, on rampe. Alors, et, oui, j'avais 12 ans. Souvenir précis. Précis. À part pour Leïla. J'avais 12 ans. J'avais déjà organisé des booms avant parce que j'étais organisateur des booms dans mon lycée. Ah ouais. Et j'étais attends, dans ton lycée à 12 ans. Ton mort. Non, 12 ans, 12 ans dans le lycée, soit encore une fois. Collège. Collège. Mais soyons précis. Il est précis. On écoute. Terminologie MUSA. MUSA est précis. Hop, je visse. Alors, t'as 12 ans. 12 ans, boom chez une jeune fille dont j'étais très amoureux. Je testais encore mon hétérosexualité. Vous voyez où ça nous a mené. Et donc, j'ai essayé de l'emballer et ça ne marchait pas. On sait maintenant. Et donc, du coup, j'ai dit, mais putain, il faut mettre un peu des 45 tours, il faut mettre des l'ambiance. Il n'y avait que des rocks et des rocks des parents de cette Françoise. Elle s'appelait Françoise. Ah oui, Françoise, on est aussi à l'époque d'Hervé. Elle avait des petites taches de rousseur sur le nez. On remonte tranquillement le temps. L'émission aurait dû l'appeler Retour vers le passé. Et donc il n'y avait qu'un 45 tours slow dans la discothèque des parents. Ça, c'est pas Tino Rossi. Ça c'est une façon de justifier. Il n'y en avait qu'un seul. Donc j'ai pas vraiment eu le choix. Et c'était Alain Barrière. Oh putain. Ah oui. Elle était si jolie. Tu vois, tu te moquais de moi. 1964. Et on n'avait que ce 45 tours. Et comme j'avais décidé de concrétiser ce jour-là, on l'a joué. Tu l'as fait tourner en boucle. En boucle. T'as épuisé Framboise. Et j'ai épuisé Françoise. Et j'ai fini par l'étouffer avec ma langue. Oh, mais non. Non mais c'est vrai. J'étais tellement déchaîné et tellement déterminé à vouloir être hétérosexuel que j'ai dit je vais mettre la langue, la glotte, tous les dents, tout ce que je peux, tout ce qu'il y a de disponible dans la bouche. Et je suis devenu homosexuel. Vous êtes tous un régal. Mais elle est en vie encore, rassure-nous. Mais non, elle est morte. Françoise, qui est devenue Françoise. Elle a pas survécu, Françoise. Ah bah, elle peut pas nous appeler, désolé. Hein. Est-ce que par contre, les enfants de Françoise, s'il en reste. Non, mais elle était si jolie, c'est merveilleux. Elle a battu un abat, elle est morte à 12 ans. Pardon. C'est ma mère. C'était qui? C'est qui? T'as dit c'était ta mère. On a perdu Fred Musa. Jamais. Chers amis auditeurs, on a perdu Fred Musa. Donc non, cette chanson était très jolie quand même. Chanson d'Alain Barrière. Je veux rentrer. Est-ce qu'on peut écouter? C'est vrai. Oui, on va écouter cette chanson, on va se remettre comme ça. Et recueillons-nous pour Françoise. C'est si joli. Parti trop tôt. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait la vie et le vent me disait elle est bien trop jolie et toi je te connais l'aimer toute une vie tu ne pourras jamais oui mais elle est partie. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui, c'est c'est l'automne. Je crois qu'on a, on a reçu un appel de Françoise au standard. Non, ça doit être les descendants. Qui veut parler à c'est Didier de, ça doit être les descendants. Et de vous à moi, la première fois que vous prenez une langue dans la bouche, c'est un truc un peu chelou. Ça y est. Bon. On peut fermer François, la radio. Appelez Laurent Petit Guillaume, il est temps de conclure. C'est fini. On n'ira pas jusqu'au bout. Désolé. L'émission d'après, pas. Tout est annulé. Désolé. On n'y arrivera pas. Heureusement, Shannon nous a rejoint. On va donner la parole à Shannon. Je tiens bien sûr. Attends, oui. Attends, d'abord, vas-y, Didier. J'ai fait vachement de progrès en peine. D'accord. Depuis que je plais la langue délicatement. Ben, merci beaucoup. C'est parce que tu n'avais pas le truc de Fred qui s'entraînait sur la bouteille. Ah, le bout la bouteille. Non mais les garçons, je pense que ce thème nous porte bonheur parce que les dons ont augmenté. On a plus de 476 000 euros. Je vous en supplie, l'héritage de Françoise. L'héritage de Françoise est arrivé. Merci Didier. L'assurance vie. Vous faites un don sur Radio Resto. On a l'assurance vie d'Hervé Villard aussi. Et justement, Shannon va nous expliquer la marche à suivre. Vas-y. Alors, Shannon. Allez. Shannon, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour faire péter le biberon. Pour faire péter le biberon, allons-y. Je vais vous demander de faire un don sur radio.restoducœur.org, oui, sans W par pitié, oui. Et ou alors vous faites un don sur l'appli Radio Resto. Je tenais à vous rappeler que faire un don de 100 euros, c'est accompagner un bébé pendant 3 mois et c'est pas rien. Donc allez-y, à vos dons, faites péter ce biberon. Merci Shannon. Shannon, je t'ai présenté juste en disant Shannon Almé. Alme, pardon, tu es étudiante, tu veux devenir animatrice, c'est ça? Alors mon grand rêve, oui, c'est être animatrice, être leader d'une émission. On a travaillé ensemble. C'est possible. Et ben voilà, regarde, on a. C'est possible. Ah, j'ai travaillé avec Eric Jean-Jean, voilà, à la bonne école. Sa petite assistante. Oh, ben voilà. Mais ben, en quelle année? Cette année. 1964. C'était au moment où il passait son bac. C'est au moment où il passait son bac en 1986, où c'était avec Alain Barrière et Hervé Villard. En même temps, il travaillait sur ce programme, on est pas loin. Et on vous attend au standard aussi, au 01 850 90 600. Pourquoi? Pour participer à question pour un gros don. Absolument. Alors on va lancer le jeu dans une vingaine de minutes. C'était gros maximum. C'est dans le conducteur. C'est le conducteur, mais conducteur qui a explosé. Je vous poserai trois questions. Si vous répondez bien aux trois questions, eh bien vous nous permettez d'avoir un gros don pour les radios, pour les Restos du Cœur, pardon, et Radio Resto, un don offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et voilà. Ça c'est hyper important. On a parlé des premières pelles, les garçons. Oui. Une fois, est-ce que c'est clos? Il y a des regrets, je sais pas, Moi j'ai adoré cette pelle. Je regrette un peu encore. L'étape suivante, la logique de l'étape suivante après la grosse pelle, quelques temps plus tard, un autre événement phare dans la vie amoureuse, la première nuit d'amour. Ça c'est beau ça. Et ouais, et la première nuit d'amour, je vais donner la parole à Eric Jean-Jean. Très bien. Donc alors là, attention, parce que on se rappelle. Je me souviens plus. 1956. Alors, tu te souviens même plus du morceau? Non, mais attends. Je t'explique pourquoi. Parce que je voulais parler de mon amoureuse d'aujourd'hui. Karine. Je suis marié depuis 19 ans, bientôt 20, avec Karine, que tout le monde connaît autour de cette table. Qui est délicieuse. Qu'on embrasse fort. Voilà, j'aime très fort. Qui a dû apprendre vraiment cette histoire. Je vais dire, putain, mais il a cet âge-là. Ouais, alors excusez-moi. Et donc, on est ensemble depuis 23 ans. Et quand on s'est rencontrés, à l'époque, je la ramenais chez elle, habite dans le sud de Paris en voiture, et on faisait un truc trop mignon. Il y avait cet album de Lady Anne Bird, c'est Kerenan, qui travaillait avec un musicien suédois ou finlandais ou quelque chose comme ça, donc Lady Anne Bird. Et en fait, on branchait tous les deux. Moi, j'étais en voiture, je branchais le CD, elle rentrait chez elle branchait le CD. Et on écoutait le même CD en même temps pendant le retour, comme ça. Et Karine, j'ai attendu 3 mois avant de lui rouler la première pelle, et un petit peu plus avant que. Voilà, donc on est ensemble. Mais c'est pas, donc pas ta première nuit d'amour? Non, c'était ma première nuit d'amour avec Karine. C'est extrapolé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est parce qu'en fait, je me rappelle pas de la première nuit d'amour. Je crois que c'était une après-midi qui n'y a pas de musique, c'était pas glorieux. Ah. Bref. Mais Lady Antebellum. Il va falloir que je change mon titre. Et la chanson, c'est Suicide is Painless, qui est la BO du film MASH. J'adore cette chanson, et interprétée par Kerenan, qui joue Lady Ebert, qui est ce musicien. C'est pas Peter Van Poole? Non, c'est je pas lui. Je sais plus. Mais vraiment, cette chanson, cette version est magnifique. Puis j'adore Kerenan, tout ce qu'elle fait. Ouais, je trouve qu'elle ressemble à Karine en plus. Ouais. Donc je trouve que c'est. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc on écoute. Mais c'était pour ma chérie d'aujourd'hui, donc c'était. Bah, je comprends. C'est beau, c'est beau, ouais. C'est beau. On écoute le choix d'Éric Jean-Jean. C'est très poétique, c'est complètement à ton image. Bon, c'est un peu dépressif quand même. C'est dépressif. Bah, tout ce que fait Kerenan est beau. Ouais. C'est un peu mélancolique, c'est un peu doux. Quand elle bouge, c'est beau. Quand elle parle, c'est vrai. Quand elle chante, c'est beau. Bon, je pense que c'est on dit est tout simplement. Voilà pour cette nuit d'amour signée Éric Jean-Jean. C'était pas le brief. Le brief, rappelle-le. C'était la première nuit d'amour comme la première pelle. Mais ma première nuit d'amour, c'est une après-midi pourrie, je vais pas raconter ça. Ah bah oui, mais bon. Mais c'est vrai qu'on est tous passés, je pense d'abord avec le premier après-midi, puisque le soir pour sortir, c'était un peu tendu aussi. Puis surtout à 11 ans. Ah oui. Non, je déconne. Fred, c'était quand toi et c'était quoi comme musique? Ah, c'est moi? Ah oui, c'est à toi. Non, parce que tout d'un coup, j'ai envie de t'entendre toi. C'est moi qui décide. Est-ce que tu veux une fessée cul nue? Pourquoi tu t'opposes? Qu'est-ce qui t'arrive? Touche ton micro. Vise ton micro. Putain, je vais passer une soirée entre Didier et toi. Alors, Fred, dis-moi. Fred, alors. Vous êtes prêts pour toute la semaine? Raconte-nous. Alors, nous sommes dans les années 80. Ah. Mais 80. Je ne passe pas encore mon bac, que j'ai d'ailleurs totalement loupé, mais bon, ça c'est encore d'autres histoires. Mais je rencontre le rap déjà. D'accord. Et le rap, c'est évidemment le rap américain au début. Et nous sommes en quoi? En 1987 avec ce morceau. Même si ce n'est pas ma première nuit d'amour, mais c'est parce qu'elle viendra plus tard ma nuit d'amour, mais c'est vrai que ce morceau va m'accompagner pendant un bon petit moment. Va t'initier. il va m'initier et je le trouve ce morceau très sexy. Très poétique dans le rap. C'est un morceau d'LL Cool J qui s'appelle I Need Love. Et il m'a accompagné en effet lors de ma première nuit d'amour qui a eu lieu quelques années plus tard après la sortie de ce morceau. En ouais. Quelle année? Et ça c'est comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait? À quelle heure? Attendez, non. On sait que Leïla a roulé des pelles à un grand brin. Non, mais j'avais 17 ans. Je suis arrivé tardivement là-dessus. Hein. Ah ouais, sur le marché. Ah ouais, tardivement. Non, mais je suis arrivé tardivement sur le marché en effet. Je pense que je l'explique parce que j'étais très timide. J'étais beaucoup de boutons, beaucoup de. C'était très compliqué. J'ai eu une adolescence très compliquée. C'est vrai, t'en as beaucoup souffert ou pas? Je me suis rattrapé après, mais l'adolescence a été très très complexe. Mais c'est vrai que ce morceau de LL Cool J m'a accompagné. Allez, passons à autre chose. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est bien pour aussi ceux qui nous écoutent de se dire qu'on n'a pas tous, enfin, on a tous pu avoir des galères avec ça en fait. C'est pas si simple. T'en as eu, toi? En fait, être aimé par quelqu'un qui t'intéresse, c'est pas toujours simple en fait. C'est aussi ça. Tu peux attirer des moi, gens. Je pensais pas du tout à ça à l'adolescence. Ah bah si. Moi, je trouve que c'est un moment assez douloureux. C'est les premières fois où t'es confronté quand bien même. Bien sûr. L'amour, tu l'as dans ta famille le plus souvent de façon directe, sans. Oui, bah voilà. Moi, en tout cas, je l'avais de façon inconditionnelle. Être ensuite dans une forme d'altérité, rencontrer quelqu'un qui peut être. Tenté par toi ou pas par toi, c'est les premières fois où aussi tu te rends compte que la douleur amoureuse, c'est terrible en fait. Oh là là, je vous ai plombé le truc. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai pas du tout vécu la même adolescence. Je pensais à draguer les filles et à jouer au football, quoi. Mais vraiment, enfin, tu vois, c'était beaucoup plus. Tu cherchais pas un peu l'amour quand même. Du tout. Ah ouais, je cherchais pas beaucoup l'amour. Moins profond que ça. Ah ouais. Bah si, c'est je cherchais. Moi aussi, je suis comme Fred. Cherchais à tomber amoureux. Cherchais à tomber amoureux, mais ça marchait jamais. Mais voilà. Oh les râteaux, le roi des râteaux. Eh bien moi, après cette première pelle catastrophique, avec Françoise, je n'ai plus jamais cherché l'amour. Bah non, mais on comprend la pauvre Françoise. Allez, on écoute I Need Love. Oui, pour revenir sur I Need Love, c'était une nuit magnifique. Ah. Mais les premières fois, c'est jamais ça non plus, on est quand même d'accord. Enfin, on s'en souvient parce que c'est la première fois, mais bon. Tu sais, là, sur scène, c'est Michel Sardou qui chante en chantant et il dit. Il chante, Michel. Fois, il montre trois doigts. Donc, t'as fait l'amour 10 fois. Oui, Michel, merci. Ah, que ces anecdotes. J'ai rien compris. Toilette, c'est l'heure d'aller. Et après, il y a le repas qui arrive. On a les petits yaourts. Sympa, on a la petite tartine. C'est sympa ce petit état dans le 17e. C'est pas loin de chez moi. C'est très sympa. Et nous, on a envie d'écouter I Need Love. Bon, on va pas l'écouter en entier parce qu'il est long. Il fait 5 minutes. Hein. Ah ouais? Ouais, il fait long. Parce que moi, les nuits durent assez longtemps. Ah ouais. Vantard. Oh là là. J'avais choisi un morceau long. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind, I hear my conscience call. Telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn. As I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say that I love you. Saying I'm more, kissing you on the ear. Whispering, I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy, and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, ooh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. I Need Love, à l'instant, elle est le coup. J'ai quel magnifique morceau, quand même. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Après, je trouve le tempo un peu rapide. Ah bah, parce qu'il y a des moments d'accélération, un peu ralenti. Pardon, je ne vais pas avoir tous les détails. C'est un truc qui m'est pas arrivé depuis 50 ans, donc je t'écoute parler, je me fais plaisir. Les accélérations, tu vois pas des accélérations. Vise le micro, vise. Quand il y a un truc comme ça, il faut viser le micro. C'est bien parce que comme ça, on apprend à en savoir un peu plus sur chacun d'entre nous. Non, il y a une vis, tu vises et l'autre, tu dévises. Il faut être dans le rythme. Mais je suis ambidextre. Ah bah. Oh, purée, c'est pas vrai. Non, mais franchement, il a le vice aujourd'hui, Didier Varro. Non, ou alors tout le temps. Pourquoi tu dis aujourd'hui? Tout le temps, mais t'as raison. Justement, Didier, oui. Parle-nous de ta première nuit d'amour. Ah, alors, attention. C'est un dossier. Ah. Pareil. Bah, c'est un peu comme la première fois. François. Le retour. She's back. Que tu n'avais pas vu. 1976. Je suis à Londres. Bah oui, voyage scolaire. Wow. Voilà, comme on faisait dans les années 70. Bien 70, évidemment. À nous, les petites Anglaises. Et c'est parti en car? Hein, nous étions partis en car, nous avons pris le ferry nous avons repris le car. Voilà. Alors, et donc, c'est de Mort Schumann, Sorrow. Et j'ai failli d'ailleurs passer ce morceau-là parce que dans ma tête, j'ai un peu confondu à nous les petites Anglaises et ma propre expérience. Donc, toujours en quête d'identité. Bon, je sais que je suis pédé, mais bon, en même temps, je veux continuer à défier mon hétérosexualité. Donc, 3 semaines pour conclure. Ouais. Je m'étais dit, c'est là. T'as repéré quelqu'un tout de suite ? Oui, parce que j'étais très amoureux de la chanteuse d'Il était une fois, ouais, qui s'appelait Joël. Joël Mogensen. Et il se trouve que dans ce voyage qu'il m'a amené en Angleterre, il y avait un peu son sosie. Trop donc, bien. Voilà, j'ai vraiment jeté mon dévolu sur cette jeune fille. Tu te souviens blonde. De son prénom ? Non. Oh, mince. On va l'appeler Joël. Ouais, non, appelons-la Françoise. Je l'appelais Françoise. Tu comme l'autre, Joël. C'est pas grave. Je l'appelais Joël. Ah, c'est trop bien. Ah, tu l'appelais Joël. Et oui, identification totale. Elle a dû se dire, qu'est-ce qu'il est dingue celui-ci. Et elle m'appelait Steven. Pourquoi? C'est ton prénom anglais? Parce que j'étais amoureux de Véronique Sanson. Ah. Non. Et qu'elle vivait avec Stephen Steele. Eh oui. Bah attends, t'es amoureux de la nana, toi, t'es une fouille de Véronique Sanson. Mais je suis amoureux de tout le monde, moi. T'as pas compris, mon chéri. C'est le concept Varro. Moi, j'ai cru que Steven, c'était ton prénom. Tu sais qu'on nous demandait de choisir un prénom en classe d'anglais. Ça vous est pas arrivé, ça? Non. Non. Ah ouais, nous, à l'école, on nous demandait de choisir un prénom. Ah, moi, c'était Kimberly, parce qu'il y avait. Non, Beverly. Leila Kimberly. Parce que la chanteuse, c'était quoi, Beverly Crabble, c'est ça? Oui, Beverly Crabble. Ouais. Voilà. Et j'avais choisi ça pour elle. Voilà. Bah, ça te va bien. Tu vois. On va t'appeler Kimberly, tu vois, jusqu'à la non, fin. Non, Beverly. C'est quoi, Kimberly ou Beverly? Beverly. Leila par Clapton, c'est beaucoup plus joli ouais, que Valérie. C'est vrai. Donc, bon, revenons pardon, Didier, quand même à cette histoire. Voilà, revenons à Joy et Steven. Et donc, au bout de 3 semaines, la dernière semaine, nous étions en camping. La première semaine, on était chez l'habitant. La deuxième semaine, on était en voyage d'études. Alors, temps mort, je suis désolé. Voyage scolaire qui dure 3 semaines. Ouais, oui, bien sûr, mais t'as pas connu, t'es beaucoup. Non, pas non, mais toi, je sais, de toute façon, t'es grillé. On sait que t'es de la même époque, même peut-être même avant Didier. Ça, on a appris. Ça, j'ai appris. Je sais que t'es beaucoup plus vieux que lui. Mais quand à l'école, on fait 3 semaines de. Mais l'été, non. Ah, l'été, oui, c'est l'été. Ok, c'est colo. Là, c'est pas colo. Ah, je pensais que c'était voyage scolaire. Oui, moi aussi, je t'ai perdu. Voyage. Et donc, 3e semaine, camping. Et donc, je me dis, là, il faut conclure. Et bien donc, sûr. J'ai fini par conclure parce qu'elle était beaucoup plus volontaire que moi. Ah ouais. Elle a commencé par me rouler des pelles, puis me mettre la main au panier. Pilote, enfin, dans le. Voilà. Ouais. Et donc là, il y a un moment donné, il a fallu que j'assure, quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là précis, musique. Dans le camping, tout le monde écoutait le tube intersidéral de l'année 76, Don't Go Breaking My Heart. Oh, wow. Elton John et Kiki Dee. C'est trop bien comme et musique. Et ça, il est mortel par contre. Ça, c'est une scène de film. Ça donne le sens du rythme. Ah! Vous allez l'écouter, vous allez m'imaginer dans la tente, la petite canadienne là. Hop! J'ai pas compris. Quelle heure était-il approximativement? Je peux te dire qu'il était entre 22h10 et 22h12. 20. Comment tu sais ça de façon aussi précise? C'est incroyable. Très rapide. Ah oui, oui, ça oui. Ah. Oui, mais sympathique. Mais chouette. Un bon souvenir ou pas? Pas vraiment. Bon, ok, bah écoutons le morceau. Écoutons. Tintin, ouais, j'adore ce morceau aussi. Une chanteuse de comédie musicale. Grande comédie. Oui, Eric, le yaourt arrive. Tu ne l'écouterais plus jamais comme avant. Ben ouais, petite pomme. Aussi, aussi. Et la compote. Breaking My Heart pour saluer Didier Varro et sa première remarqué, nuit d'amour. Ça, même si ça a été un peu foireux, ça m'a donné le sens du rythme. Ouais, ouais, mais... Tu l'as jamais perdu ça. Ça voilà. C'est Kiki D, ça. Ça c'est Kiki D. Kiki D qui avait repris Véronique Sanson. Et d'ailleurs, ben voilà, on boucle, tout simplement. Est-ce que je me peux, je peux, on a le temps de toute façon conducteur vite fait. Non, bah alors mets un jingle, mets un truc parce que je voulais que ça se prenne un peu de temps. Je voulais m'adresser à mes deux vieux. Je t'en prie. Alors vas-y, on fait une petite entorse. Non, parce que non, je vais juste. On voit la construction un peu de ce morceau dans le film qui est incroyable. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé le film? Absolument. Et est-ce qu'il est proche de la réalité? Vous qui connaissez si bien Elton John, le biopic sur Elton. Oui. Ouais. Moi, je l'ai préféré à celui de Queen, d'ailleurs. Freddie Mercury, pardon. Ah. Pas mal aussi, hein, quand même. Mais j'ai adoré, moi, la mise en scène de ce. Mais bon, voilà, c'est vous. C'est alors la critique ciné de Falmusa. C'était quoi la question? Non, c'est pas une question, savoir si c'était assez proche de la réalité. En fait, ils sont super potes. Voilà, elle est joue dans des comédies musicales un peu partout, mais particulièrement à Londres. Et il est très très ami. C'est tout le moment où il est un peu quand même à fond dans la défense. Je pense qu'il y a beaucoup de drogue et tout ça là-dedans. Mais oui, c'est assez proche d'après ce qu'on en sait. Après nous, enfin, moi j'étais pas là. Et j'ai des gardes villas à ce moment-là. Vous avez vu à la cano plage. J'ai pas encore. Putain, oui. Vous avez pas encore vu le biopic sur Aznavour, que ça sort J'ai vu. Bientôt. Non, pas encore. Taharim, c'est fantastique. Je l'ai vu. Tu l'as vu. Taharim est juste extraordinaire. Il paraît que c'est lui qui chante, sauf dans les aigus. Il chante. Il paraît qu'il chante. Mais après, ils ont travaillé dans les machines, etc. Non, mais c'est surtout l'attitude. Gueule, l'attitude, les gestes. Cette manière qu'Aznavour avait de te serrer la main comme ça. Là. Les gestes qu'il fait, c'est absolument. Ouais, j'ai hâte de découvrir ce film. C'est un grand acteur. Ça arrive le 23 novembre. Aucune ressemblance à la Absolument aucune ressemblance. Mais je suis sûr qu'on s'y prend. Oui. On sait prendre. Ah non, mais tu sais Aznavour. Les enfants d'Aznavour qui sont tous bien. Titre. Alors, je regarde quand même un peu où on en est pour les dons. On est à 477 000 euros collectés sur notre objectif de 500 000 euros. Ouais. Et c'est le moment de notre jeu. Question pour un gros don. Radio Resto, question pour un gros don. Je vous ai expliqué tout à l'heure le principe de question pour un gros don. On va jouer avec un auditeur ou une auditrice. Et en l'occurrence, c'est une auditrice qui va nous rejoindre dans un instant parce que grâce à elle, si elle répond correctement aux trois questions que je vais lui poser, cela nous permet de récolter 60 000 euros supplémentaires. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Un gros don offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et on les en remercie. Qui est avec nous? Je crois que c'est Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra, bienvenue. On te tutoie parce qu'on est tous comme ça aujourd'hui dans Radio Resto. On est simplement une grande alors, association humaine, Sandra, pour Radio Resto. Éric Jean-Jean te parle. Ta première nuit d'amour. Alors, Sandra, tu veux témoigner? Dis-nous tout sur Didier, dis-nous tout sur Éric, puisque en même temps tu as connu les deux. dans une sombre tente à la cano. Ah non. D'où viens-tu, Sandra? Où es-tu? Quel âge as-tu? Parle-nous de toi un instant. Alors, je viens de région parisienne. Oui. J'ai 32 ans et je suis auditrice interne dans un grand groupe. D'accord. Et bien, merci d'être avec nous sur Radio Resto. Je vais te poser trois questions. On va peut-être un petit peu tenter. On va voir. Si on peut l'aider. Bon, alors, c'est combien? Non, à la clé, il y a quand même 60 000 euros. 60 000 euros pour les restos. Pour les restos du cœur. Merci Sandra, déjà de participer, merci. Alors on y va. Est-ce que non, on détourne absolument rien, on détourne rien du tout. Regardez-le, vous êtes prêts? Vite que la finisse. Et vous êtes prêts autour de la table? On écoute parce qu'il faut pas que Sandra entende bien. Oui, pardon. Le premier thème de la question, c'est les restos du cœur. La loi Coluche permet la défiscalisation des dons. Si vous êtes un particulier et que vous donnez 100 euros, en réalité, cela vous coûte 25 euros. 30 euros ou 40 euros? 25. Première. 25 euros. Yes! Bravo, Sandra. On passe à la deuxième question. Autour des enfoirés. Comment s'appelle le single du dernier spectacle des enfoirés? Le spectacle On a 35 ans. Est-ce que ça s'appelle Eric. Jusqu'au bout du monde? Mito. Jusqu'au dernier? Ou jusqu'au coin de la rue. Alors attends, attends. Jusqu'au dernier. Bravo. C'est un titre qui a été écrit par Ricard, qui l'a composé avec Patrick Bruel, pour information. Ricard. C'est l'heure de l'apéro, Didier, vous savez, passé 18h. Sandra, je suis désolé, tu sais, même pour Leïla et moi, c'est très dur de contrôler les deux personnes qui sont passées. Mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, c'est jusqu'au dernier. Absolument. Dernière question. Attention, on met du suspense, là. Voilà. Là, on met du suspense. On ne dit rien pour l'instant. Mais. Dernière question. Il peut y avoir 60 000 balles à la clé, là. Ouais. Absolument. Ouais, j'ai peur. 60K, comme on dit dans le milieu. Je rappelle qu'on est à 477 000 euros de dons, donc avec ces 60 000 euros supplémentaires, c'est merveilleux. 60K qui arrive direct dans la poche. 60K direct. Dans la poche du resto du cœur. Absolument, qui va permettre de financer tous ces kits bébés dont on a tant besoin pour les 0-3 ans. Je pose la question, Sandra. Chut. Comment surnommait-on le phénomène des radios libres apparues en Europe dans les années 70? Je l'ai. Est-ce que c'est Radio Canaille? Est-ce que c'est Radio Pirate? Ou est-ce que c'est Radio Corsaire? Alors attention, Sandra, attention. Concentre-toi bien. Canaille, Pirate ou Corsaire? Attention. Alors, je dirais Radio Pirate. Bon. Oh, oui, oh là là. Sandra, c'est merveilleux. Bravo. Merveilleux, c'est une très très bonne réponse. Bonnes réponses pour Sandra qui nous permet eh bien, de conclure avec joie cette question pour un gros don parce que ça apporte 60 000 euros à Radio Resto, Resto du cœur, absolument bravo, un don. Bravo Sandra. Bravo. Je suis trop contente. Bah, c'est génial Sandra. Bravo, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Attends, ça veut dire qu'on franchit la barre des 500K. Absolument. C'est mieux qu'on y a l'école. Hein. Et oui, grâce à toi Sandra, on atteint les objectifs qui était fixé initialement à 500 000, mais on va pas s'arrêter là, bien entendu, hors de question. Mais il faut continuer, mais grâce à toi, Sandra. Il faut continuer le combat, vraiment, vraiment à tous les auditeurs, auditrices qui sont là. Il faut continuer le combat des Restos du Cœur, qui est un très, très beau combat. Et je reprends un message de Coluche en disant on compte sur vous, à ceux qui nous écoutent, pour qu'on augmente encore cette cagnotte. Je suis trop contente d'avoir gagné. On sent ton émotion, Sandra, c'est génial. Soyons. Ta première pelle. C'était sur quelle chanson? Sur quelle chanson? Il n'attendait que ça. Et c'était à quel âge? Parce que pardon, mais ici j'ai l'impression que c'est quand même un peu la délinquance, quoi. En tout cas, je dois juste rappeler, Sandra, avant que tu répondes à cette question, que c'est quand même un gros don qui est offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bah, la première pelle, c'est un gros don aussi. Et cette première pelle, Sandra, parce qu'ils insistent lourdement, il faut répondre. Ah bah c'était à 11 ans, je crois. Ah, bah voilà. Tu vois aller là. Mais là. Moi j'ai peut-être oublié là. Est-ce qu'il y avait un morceau qui t'accompagnait à ce moment-là? Est-ce que tu avais une bande son à l'époque? Ouais. Je me rappelle plus du tout. Vraiment, je pense que j'étais un petit peu occupée. À autre chose, bien sûr. Bien sûr. Tu t'en foutais de la bande son à l'époque. Il y avait d'autres choses à gérer, je te comprends. Bien sûr. Il n'y a que Eric Jean-Jean et Didier Varro pour se souvenir de leur histoire, qui nous ont raconté tout à l'heure avec leur musique. Sinon, évidemment, on se souvient même pas de ce qu'on écoutait hier. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de ce qu'on écoutait pour la première fois où on a. En 1912. Barba Papa et Barba Maman. Voilà, c'est ça. Il y a des enfants dans le studio. Désolé, Sandra. Voilà, là, on est obligé de faire appel à. Comment on va faire pour raconter ta première fois? Un truc un peu plus imagé. Je sais pas. Mais en tout cas, on peut déjà remercier Sandra. Oui, remercier Sandra. Bravo. Merci. Je voulais aussi vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est du journalisme total. Enfin, c'est parce que je trouve que c'est super que vous soyez tous réunis en venant de différentes radios. Et c'est vraiment super que ce projet existe. Donc, on espère que ça continuera longtemps. Merci à Laurent Petit-Guillaume. Bravo à tous ceux qui ont l'idée et puis tous ceux qui se mobilisent. Parce que c'est vrai que nous, on a l'antenne, mais il y a plein de gens derrière. Il y a plein de gens en régie qu'on va transformer en dingue, le réalisateur. Qu'on va remercier. Benjamin, il n'en peut plus. Benjamin, il est au bout de sa vie. Mais on peut lui donner son diplôme tout de suite. Benjamin, ça date. Ou pas, Benjamin? Au bout de sa vie, moi déjà. Ah, c'est pour ça que t'es très bon. C'est pour ça qu'il gère. C'est pour ça qu'il gère. Il n'est pas inquiet. Sur les 48 heures, il y en a d'autres. On va revoir quand même. Merci Sandra. Merci. Et on t'embrasse tous. Voilà, tout simplement. Merci Sandra. Bravo Sandra. Bravo. Bravo, bravo. Au revoir. On poursuit notre exploration sensuelle à travers cette musique. Donc tout le monde c'est a donné. Toi. Ah oui, je sais, c'est moi. Je me suis dit, bon, oublier, je vais pouvoir passer à autre chose. Barba Papa et Barba Maman. Il va falloir exactement que tu réussisses à le dire alors que ta fille est à 2 mètres de toi. C'est ça, mais bon, elle est à un âge qui permet de dire les choses facilement. Finalement, moi, cette première nuit magique. Nuit magique. Absolument, c'était pas Catherine Lara. C'était Sade, parce que je vous inculte à Sade. Ah, ça c'est beau. Et toute la musique de Sade, je trouve qu'elle a cette dimension tellement charnelle, tellement incroyable. C'est vraiment une artiste pour moi indépassable, Sade, parce que je la trouvais déjà quand j'étais jeune fille tellement belle, tellement élégante. Mais d'ailleurs, tu lui ressembles un peu. Et ben alors, tu vois, je me le suis dit après coup. Mais là, je viens d'avoir un flash et je me suis dit, mais putain, mais là, c'est un peu Sade. Je sais pas si je lui ressemble, mais en tout cas, ado, jeune fille, je trouvais que il y avait une forme de quelqu'un qui pas qui me ressemblait, mais à qui j'avais envie de ressembler. Mais avait, et c'est vrai que c'est important. Mais c'est important ouais, d'avoir aussi, des identifications. Moi, c'était Carlos. Elle était incroyablement sympa et hyper posée dans la manière dont elle parlait. Et je me souviens d'un concert de Shadé. T'as de la chance. Alors bon. Attention. Correct exigé. Eric, fais-nous tes débriefs. Moi, j'adore les. Allez suivre Eric Jean-Jean sur Instagram. Ah ouais, c'est débrief de concert. Il est 20h58. Une lumière bleue s'allume. Une lumière bleue s'allume au centre de la scène. Vous savez, ce centre de la scène où parfois. On fait pareil avec. Mais c'est vous adore. Nous, on rit avec Fred. On adore à la fois parce que c'est d'une poésie folle, mais vous comprenez. Je serais incapable de faire vos comptes rendus. Hein, quand je vais au concert de rap, c'est super. Merci. Une story suffit. Grand concert. Merci. Grand concert. Ouais. Mais c'est des poètes. C'est des poètes. Donc allez suivre Didier Varro, allez suivre Eric Jean-Jean et évidemment Leïla Kado. Oui, incroyable. Alors moi, le contenu est différent. Shadé. Moi, c'est Shadé. Oui, c'est Shadé parce que je la trouve folle, fantastiquement belle, folle, sensuelle. Et c'est Your Love is King. Et c'est Your Love is King. On a compris pour la chanson. Mais les deux premiers albums n'ont pas vieilli. Ouais. Diamond en termes de son, c'est vrai. Moi, c'est des choses que j'écoute encore. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai. Tu vois, c'est des instruments nobles. Et donc, Your Love is King, mon amour est roi. Non, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Quelle heure était-il? C'était l'après-midi. L'après-midi. On était où? L'après-midi. On était. J'avais 17 ans. Voilà, très bien. Et on était où? Très rapproché de la première. Ouais. Avec eux-mêmes? Non. Bah non, c'était où? Il y en a eu. Hein. Bah c'était dans une chambre, c'était très classique. Quelle ville? Ah, c'était Angoulême. Oh là là, ah, la province. Voilà, la beauté de la province. Beau, et est-ce que c'est un bon souvenir? C'est un beau souvenir, oui, parce que ça c'est bien. Ouais, c'était un beau souvenir parce que c'était au bon moment et que c'était pas Angoulême au bon endroit. Que j'avais pas non plus des attentes folles de ça parce que c'était un moment toujours très angoissant pour les filles et pour les garçons d'ailleurs. Oui, je te confirme. Hein. Donc non, c'est un beau moment, c'est un beau souvenir et du coup et ça m'a pas gâché Shadé, au contraire. Voilà. J'en dis pas plus. Ah, elle a envie d'écouter Shadé. J'ai envie d'écouter Shadé. De retourner à Angoulême. Allez, Benjamin, enregistre, s'il te plaît. Voilà. Il est 20h58. Nous sommes à Angoulême. Le parquet Pierre, craque. Si tu nous écoutes. Et Shadé monte sur scène. Incroyable. Your kisses ring round. baladé avec nous pour Radio ça, Resto. Ça, c'est beau. Hein. Ouais, moi, j'étais à Angoulême, là. T'étais un... Je te déteste. Je me suis sur le parquet qui craque. Moi, j'étais sur ce parquet qui craque à Angoulême. Pas le parquet, oh. Je me voyais un peu voyeur, malheureusement. Désolé, mais Leïla, mais... Écoutons Didier, ouais, alors, je sens que ça va être encore un truc hyper intime. Ça va être très poétique. Est-ce que tu as revu ce garçon? Je l'ai croisé un jour, j'ai cru l'apercevoir un jour. Et t'as perdu contact? Oui. C'est quoi ça? J'ai cru l'apercevoir un jour. Bah oui, bah justement à Angoulême, quelques années après, en revenant sur place. Sur Angoulême? Sur Angoulême. On a enfin un reportage. Voilà. Non, pas du tout. Comme ça, comme vraiment ça. Un grand hasard. Et je l'ai aperçu, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il devient? Et j'ai pas osé aller le voir. Et toi, Didier, tu l'as revu, Joël? Non. Bon. Fred? Non plus, non plus. Moi, la vraie première fois, pas la fois avec Aïn, elle est devenue avocate du GUD. Ah bah sympa, alors là vraiment. Ça s'appelle une bonne affaire. Elle s'appelle Marine Le Pen. Et elle va se présenter pour les élections présidentielles. Bravo. Bon, on a parlé de la première pelle, on a parlé de la nuit d'amour. Oui. Alors bon, quand tout se passe bien, c'est super. Et puis parfois, il y a des ruptures, il y a des séparations. Il n'y a que ça. Il y a des chagrins, c'est ce qui a donné aussi lieu aux plus belles chansons, sans doute. Quelle vie mouvementée. Alors justement, Fred, c'est quoi toi? Chanson de rupture. Bah parce que c'est toujours toi qui parle en dernier. Alors, attends, on te regarde, on t'écoute. Regarde, Fred. Non, j'ai choisi un morceau. Vous êtes beaux tous les deux. Non, j'ai choisi un morceau, c'est un morceau pourtant qui est de 2001. Ma première rupture ne date pas de 2001, j'en ai connu bien avant. Ah bon? Ouais, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce morceau et j'ai aimé, en tout cas je me suis aperçu que ces dernières années, puisque j'ai, avant de rencontrer aujourd'hui celle avec qui je partage ma vie, où c'est absolument incroyable, où les yeux brillent, les étoiles, machin. Mais j'ai connu... Toi, tu veux pas dormir au troisième étage? Je sens que si tu veux d'avoir raconté les trucs avec les noirs, les machins, ça va saigner. Donc, j'essaie de récupérer comme je peux. J'adore l'idée que tu te fasses serrer la vis à la maison. Ah bah. C'est des boulons. Maîtresse Leïla. C'est autre chose que ces boulons ici. J'apprécie à moitié. Moi, j'adore être avec vous. Hein, moi aussi, j'adore. D'ailleurs, que font les patrons de radio? Mais c'est vrai, enfin. Sybille Veil, où es-tu? Régis Ravanas, où es-tu? C'est ça. Pierre Bélanger, où êtes-vous? Signez-nous. Bon, ça va coûter un bras, mais c'est pas grave. Ouais. Non. Donc, revenons quand même à cette histoire absolument incroyable. Pourquoi ce morceau qui date de 2001? Parce que je me suis aperçu que les ruptures que j'ai eues depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, je me remettais constamment ce morceau. Ah. Ce morceau m'apporte quelque part. Alors, sur ce morceau, c'est ta BO du chagrin d'amour. C'est ma BO du chagrin d'amour. Ah ouais. Et je me suis toujours dit, si un jour, tu vois, je devais faire un film, peut-être et tout, je la mettrais en permanence. Un beau film d'amour, bien sûr. Bien sûr. Un film où il y a de la rupture, un film où il y a de l'amour, où il y a de l'attente. L'attente en deux mots. Il en regardant. Mais non, l'attente qu'on installe avec les piquets. Déli. Non, mais les piquets, les trucs de tente. Mais non, les. L'attente dont tu nous as si bien parlé en Angleterre. Oui. En Angleterre. Non, mais... non mais voilà. T'as l'avocate d'Éric Dangean qui va pouvoir venir t'aider. Moi je lui laisse. Mais... non mais je me suis dit, franchement j'adorerais, parce que c'est un morceau je trouve qui est tellement poignant, un morceau de Jay-Z. Ah voilà, enfin tu craches le morceau, je me dis qu'est-ce que c'est que ce morceau, Et le morceau s'appelle A Song Cry. Most incredible, baby. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Ça, c'était pour le choix de Fred Musa, Jay-Z. Ah bah oui, ça, ouais. Ça a coupé d'un seul coup. Ouais, j'avoue. Et toi, Eric Jean-Jean? Moi, c'est un groupe néerlandais qui s'appelle Ten Sharp, qui ont fait un tube au début des années 90. Pointu. Le tube, c'était You, c'était très Elton John. Mais la chanson en question, c'est dans le même album et elle s'appelle Lonely Heart. Et en fait, je me suis marié une première fois. En fait, j'ai rencontré une fille super qui s'appelle Cécile et je me suis marié avec elle. J'avais 23 ans, j'ai divorcé, j'en avais 24. Entre temps, j'étais parti à Paris. Compte se marier avant. Oh là là, la bêtise. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai changé de vie, tout ça. Et je crois que je lui ai brisé le cœur. Et ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de peine d'abîmer cette fille qui méritait pas ça et qui est vraiment une fille formidable. Et donc cette chanson, c'est vraiment une chanson que j'associe au fait que, pour le coup, j'avais moi le cœur brisé, mais je pense que je lui ai fait du mal. Et c'est une très très belle chanson qui s'appelle Lonely Heart. Remarquez quand même que ce gars nous a parlé quand même de son morceau de 1956 avec Hervé Villard de tout à l'heure. Oui, ma première boum, mais que là il nous fait le coup, genre oui, années 90. Non, il essaie de nous glisser tranquillement qu'il a connu sa première rupture d'amour et que ce morceau l'a accompagné dans les années 90. 40 ans d'écart. Il y a un souci. Le problème, c'est que Fred Musa écoute vraiment tout. Ah, moi j'écoute tout, vois, il calcule. Les dates. Juste, une petite précision, tu t'es marié et tu as divorcé un an plus tard. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'étais avec elle, j'avais 17 ans jusqu'à 23 ans. Ah ouais, et à 23 ans, je suis recruté pour aller à Paris. Dingue, elle était étudiante en médecine et elle s'est occupée de moi quand j'ai eu mon accident de moto, que tu sais. Oui. Et puis, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. En fait, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres filles. Et donc, on s'est mariés. J'étais jeune et con. Mais c'est une jolie chanson quand même. Allez, Ten Sharp, Lonely Heart. Elle est pas gay, hein. Baby, I ask myself, is there some time for a lonely bien, c'est vrai que ça t'invite pas à aller mieux, quoi. Ça t'invite pas des masses, quoi. Non. Ça c'était le choix d'Éric Jean-Jean. Quand tu vas pas bien, t'as pas envie d'écouter Annie Cordy, Moi je vais pas bien, ce truc. En plus, je reçois des morceaux de Valentine depuis tout à l'heure, des messages qui me disent qu'est-ce que t'as raconté à l'antenne. C'est bien, j'adore l'idée. Je veux avoir le débrief demain. Ah, si, moi j'ai un débrief vraiment classe. C'est joli. Didier Varro, toi, ton morceau rupture. Alors, moi, tout était concentré entre 72 et 76. Donc, vous avez remarqué que, donc 72, première pelle, 76, première baise, sous la tente, pour revenir. Premier chagrin d'amour. La même année, et cette fois avec un garçon. Est-ce que tu as eu un chagrin d'amour avec une fille? Non. Mais là, le garçon, par contre, Et là, très dur. C'était le premier garçon. Vraiment, ouais, très dur. Longue relation. 16 ans, j'avais. tu vois. Ah. Donc je me suis dit, je peux être pénalisé par la loi, puisque l'homosexualité était pénalisée quand on était mineur, hein, je me rappelle. Encore, c'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà, et en plus, ma vie va être un désastre. Mmh. Je vais finir comme Michou ou comme... dans un cabaret, le cabaret Varro, Didier. Voilà, j'habite seul avec maman. Chez Didier. Dans un très bon appartement. Ah ouais, purée, oui. Et donc, non, j'étais donc très Véronique Sanson. Ah. Et donc, cet album de 76 Vancouver, il y a une chanson qui s'appelle Étrange Comédie. Et je me suis dit, je les emmerde, ma vie, ce sera une étrange comédie comme celle de Véronique Sanson. Et j'ai bien réussi. On l'écoute. Chagrin d'amour. Une minute pour toi, Léla. Oui, alors justement, je vais le faire rapidement. Moi, c'est un groupe qui m'accompagne depuis toujours, c'est Queen. Ah. Et moi, c'est Somebody to Love. Oh. Ah, ouais. Et je trouve que bah, c'était qui le méchant juste... qui en fait, c'était pas le, il y avait pas de méchant, c'était juste le spleen de quand une histoire s'arrête. Tu sens que c'est pas vraiment de la peine individuelle, c'est de se dire tiens, est-ce qu'un jour il me sera redonné la possibilité d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. Regarde qui tu es, regarde cette vie devant toi, exprime le bonheur. Un petit morceau de Queen, allez. Plus ça va. Et voilà pour cette session passée ensemble. Merci les garçons. On a un truc à Laurent Petit-Guillaume. Alors on a des choses à faire d'abord. Déjà je rappelle que pour les dons, faut pas s'arrêter là, qu'il y a le site radio.restoducœur.org sans les 3 W bien sûr, l'appli Radio Resto, Radio Player si vous nous écoutez après coup en podcast, continuez à faire vos dons bien sûr jusqu'à la fin novembre. Tous les dons sont indispensables, sont nécessaires, on prend tous les dons, absolument tous, pour aider les bébés de 0 à 3 ans. Ça c'est cette année la campagne, elle est axée autour de ces enfants-là, mais continuez à soutenir les Radios du Cœur. Et merci s'il déjà vous plaît, à tous les ceux qui ont donné. Ouais, merci. J'aimerais remercier Benjamin Lefebvre en régie, bravo. Roman Burchi, Johan Muroni, Harold Mensa au standard, Shannon Hahn qui est venu nous aider à faire les appels aux dons en studio. Bien sûr, on a tous envie d'embrasser Laurent Petit-Guillaume, les garçons. D'amour. Et on va l'embrasser. Je voudrais juste dire, moi je me fais chier à faire un conducteur. Ouais, et on l'explose. Et on l'explose, donc je veux 3 heures. Les prochaine. Garçons, je vous aime d'amour. Fred Musa, Eric Jean-Jean, Didier Varro. Je vous aime fort, on vous aime fort aussi, merci. Ceux qui nous écoutent. On vous aime tous très très fort. Et il est l'heure, il est 19h passé de 26 secondes, pardon, la ponctualité c'est pas exactement notre truc aujourd'hui. Les infos ici avec les élèves de cette école qui nous accueillent.